Je suis un peu désolé pour ceux qui connaissent déjà ce que je vais exposer, puisqu'il semble, normalement ça n'arrive pas, mais ici, d'après mes informations, il y a au moins deux personnes qui devraient avoir déjà lu ce que je vais exposer, du moins la première partie. Et vu qu'il y a des chances que je ne puisse pas accéder à la seconde partie, mes apologies sont d'autant plus justifiées. Néanmoins, je voudrais commencer en donnant une motivation globale à l'intention de présenter devant vous une théorie de l'action et du social. Cette motivation, c'est le sentiment de quelque chose qui est à la fois un impensé et un abus, dans un geste très fréquemment observé, qui est le geste d'un côté de la reductio ad actionem, et de l'autre côté de la reductio ad, et c'est là que j'ai plus de difficultés, parce que ni socium ni societatem ne convient vraiment, hein, mais réduction au social. Donc réduction à l'action, réduction au social, hein, c'est un geste que dans les interventions philosophiques contemporaines, celles que j'ai pu lire ou celles auxquelles j'ai pu assister, on observe très souvent. Et ce geste, chaque fois qu'il est revendiqué, il me semble qu'il a généralement une double signification, on lui prête une double signification, qui est d'une part celle d'une reconduction au matériel ou à la matière, et d'autre part celle d'une conjuration de l'élément subjectif. En fait, on peut dire globalement que la réduction à l'action et la réduction au social est faite pour faire disparaître de la position de vedette qu'ils occuperaient indûment le sujet et l'idéalité, avec en plus le préjugé lui-même contemporain selon lequel le sujet et l'idéalité sont au fond le même. Là, je fais une remarque annexe, c'est qu'on a observé au cours du XXe siècle une tendance très forte et très surprenante à identifier l'idéalisme avec l'immatérialisme berkeleyen, en quelque sorte, et donc à considérer que l'idéalisme est toujours une doctrine qui ramène au sujet, que la façon d'oublier le réel, c'est d'oublier le réel au profit du sujet et de ses représentations. Oublier le réel, c'est croire qu'il n'y a que le sujet et ses représentations, et qu'à la limite, toute la réalité ne tient qu'en tant que mise en scène par ce sujet. Ce serait ça, l'idéalisme. Mais évidemment, l'idéalisme des origines, l'idéalisme platonicien, c'est au contraire un réalisme. C'est la thèse du réalisme des idées. Et l'idée, chez Platon, est quelque chose qui domine tout sujet, qui domine tout étant particulier, concret, mais également tout sujet. Mais dans l'acception contemporaine, et ça c'est quelque chose qui est partagé par la philosophie analytique contemporaine d'un côté, par ce que j'appelle la French Thought, la pensée radicale des années 60-70, des deux côtés on identifie l'idéalisme dans son mode platonicien et dans son mode berkeleyen, et donc réussir la réduction à l'action et, au social, dans la mesure où cette réduction est supposée conjurer l'idéalité et le sujet, c'est conjurer la même chose, c'est conjurer le même mal. Alors, ma protestation contre ce geste, elle est double. D'un côté, évidemment, je ne crois pas du tout que ce soit un grandiose objectif que d'évincer le subjectif et l'idéal. Je pense qu'au contraire, le subjectif et l'idéal sont des dimensions parfaitement respectables et dont nous avons besoin à beaucoup d'égards. Et pour vous annoncer le fond de ma pensée, je pense même que si on veut être concret, il faut se référer au sujet et à l'idéal, et que la volonté de ne jamais se référer au sujet et à l'idéal amène à être terriblement abstrait et loin de tout ce que nous connaissons. Donc il y a cette intention fondamentale que je ne dissimule pas. Mais par ailleurs, je pense qu'il y a une erreur sur l'action et sur le social, c'est-à-dire que quand on a réduit à l'action et au social, on n'a pas du tout réduit ni au matériel ni à la subjectif. Et que plutôt, pour penser correctement l'action ou le social, on a besoin justement du subjectif et de l'idéal. Donc ça, c'est la motivation encadrante. Alors, indépendamment de cette motivation, c'est évidemment intéressant d'avoir une position, je dirais, de type épistémologique. Cette fois, je change complètement de perspective sur l'action et sur le social. L'action et le social jouent à l'évidence un rôle fondamental vis-à-vis de ce que j'appelle un peu facilement le champ humain. ou le champ des choses humaines, plusieurs manières de le nommer. Et il y a beaucoup de gens qui, pour beaucoup de raisons, s'intéressent à ce champ humain et à ce champ des choses humaines, et donc ils ont un besoin, appelons-le épistémologique, d'avoir une bonne identification d'un tel objet. Donc ça donne une autre motivation à cet exposé. Je rajoute une autre couche, en revenant cette fois-ci au tour polémique, hein, et je voudrais évoquer quelque chose qui est pour moi un adversaire, hein, et c'est principalement à propos de l'action, mais au fond le social est impliqué, hein. C'est ce que j'appelle le holisme actionnel. Parce que dans cette idée, dans ce geste de la réduction à l'action, hein, montrer des réalités qui nous sont familières et les éclairer uniquement par rapport à la pratique sous-jacente, et donc aux actions sous-jacentes. Cette démarche, généralement, elle est liée à une option, en fait, ontologique. C'est-à-dire que quand on réduit à l'action, on ne réduit pas à une sphère minoritaire et locale de l'être. Réduire à l'action, ça veut dire reconduire à l'action comme vérité de l'être. Et donc derrière cette réduction à l'action, il y a la pensée que tout est action. Et c'est ça que j'appelle le holisme actionnel. Alors, il se trouve qu'il y a un petit texte de quelqu'un que j'aime beaucoup, avec qui je partageais un bureau à Lille, qui est Pierre Macheret, qui est accessible sur Internet, qui s'appelle « Sur l'action », et qui est un exposé, mais absolument magnifique, parfait, de ce holisme actionnel. Donc, si vous voulez, d'un seul coup, avaler les thèses fondamentales de ce holisme actionnel, il suffit de lire ces 9 pages, je crois, de Macheret. En vérité, il y a une histoire de ce texte qui est que je ne crois pas me tromper en disant que c'est exactement l'intervention que Pierre Macheret avait faite à Cité Philo peu après la parution de ce livre, Modèles et pensées de l'action. Il y avait eu une table ronde à Cité Philo autour de ce livre et Pierre Macheret était intervenu et je crois que c'est exactement l'intervention qu'il a donnée. Donc, c'est pas complètement étonnant que je me trouve dans une relation d'antagonisme avec ce discours de Macheret, parce que lui-même le prononçait pour réagir, et en particulier probablement pour se démarquer de ce que j'avais proposé dans ce livre. Néanmoins, je trouve cet article absolument excellent à tous égards. Tout y est dit, hein, et c'est une des grandes qualités qu'on peut attendre d'un philosophe, et c'est une des grandes difficultés à faire quoi que ce soit dans le domaine de la philosophie, hein, arriver à tout dire et rapidement, c'est-à-dire arriver à enlever tout l'inutile, le surabondant, et balancer d'un seul coup la photographie de ce qui est en jeu, de ce qui est important, de ce qui est partagé en tant qu'enjeu et en tant qu'important. Donc ce texte, il réussit excellemment. Et donc dans ce texte, on voit que Macheret est contre toute conception de l'action. Par exemple, qu'il enferme dans une définition, parce que l'action ne doit pas être réduite à la lexis. L'action, c'est la transformation, c'est le devenir, donc c'est autre chose que la lexis. On doit jamais la compter comme cas de son genre. Elle prévaut toujours sur son genre. On doit toujours la considérer comme enchaînée à un complexe, à un réseau. Elle n'a pas sa source dans un projet. Elle trouve son objet au fil de son parcours. Elle ne peut pas être séparée d'un contexte dans lequel elle prend ses effets. Elle est toujours potentiellement bouleversement du monde, voire même des lois du monde. Elle est toujours recommencement, ça c'est son rapport à son contexte, c'est jamais commencement absolu. Elle tend à la totalité, elle embrase le monde et elle emporte le sujet. Elle est caricaturée lorsqu'elle est déprocessualisée et décontextualisée. Elle est exploratrice, c'est-à-dire qu'elle est vis-à-vis de ses effets dans un rapport d'aguerré, et Macheret traduit aguerré par pousser, et il oppose aguerré à duquerré, qui est conduire au sens du chef, il duce, Mussolini, hein, et ça, conduire au sens du chef, c'est tirer. Et finalement, la conclusion de Macheret, c'est le monde est en permanence et partout en action, et ainsi en prise sur lui-même. Donc vous avez cette thèse ontologique. Et si vous lisez l'ensemble de l'article, vous voyez que cette espèce de prévalence ontologique de l'action, qui fait que l'action est au fond le sens de l'être, elle est profondément liée au mariage de l'action avec la société. C'est parce que l'action est en fait le vecteur dérivé de transformation de la société. La société se transforme elle-même par l'action. Donc l'action est à chaque fois la manière dont la société se transforme, et c'est à ce titre aussi que l'action est l'être. Il y a d'un côté tout est action, mais il y a aussi tout est la société, tout est l'histoire. Et évidemment, toutes ces thèses sont en rapport avec la filiation marxiste, je pense que je n'ai pas besoin de vous le dire. Alors, mon sentiment vis-à-vis de ce holisme actionnel, il est très simple, c'est que si on tient un discours de ce genre, finalement, le mot action ne veut plus rien dire. C'est ça le prix à payer pour ce holisme actionnel. Si tout est action, rien n'est action. Et en disant que quoi que ce soit est action, on ne dit plus rien. Et donc, en reconduisant à l'action, on ne dit plus rien non plus. D'où, au moins, la suspicion qu'on aurait besoin d'une théorie de l'action qui la définisse de manière telle que tout ne soit pas action. Donc, ayant fini cette longue entrée en matière donnant la motivation, je me lance dans le programme lui-même, qui est premièrement la définition de l'action, deuxièmement la définition du social. Donc, vous voyez que mon plan a le mérite de la simplicité. Donc la définition de l'action. Alors d'abord, il faut bien préciser que je m'intéresse à, c'est clair, d'emblée, à l'action humaine. Et je crois que ce présupposé est en fait partagé par la plupart des discours qui s'emparent du thème de l'action. En d'autres termes, je ne m'intéresse pas à grand L égale 1/2 de mv carré moins v, qui est une écriture de l'action au moyen du Lagrangien. C'est toujours le Lagrangien qui donne l'action. Simplement, ce Lagrangien-là, on l'apprend dans l'enseignement secondaire. Moi, je l'ai appris dans l'enseignement secondaire. L égale 1/2 de mv carré moins v, l'énergie cinétique moins l'énergie potentielle. Et si vous analysez la chute de la bille avec ce Lagrangien-là, vous voyez que l'action est constante du début à la fin. Parce qu'au début, il y a une grosse énergie potentielle et la vitesse est nulle. Et à la fin, il y a une vitesse substantielle, mais on a perdu par la dénivellation même de l'énergie potentielle. Donc je ne m'intéresse pas à cette notion d'action. Cette notion d'action intervient aussi dans la fameuse théorie des intégrales de chemin de Feynman. Il reformule le concept fondamental de la mécanique quantique, celui d'amplitude de probabilité, par une intégrale le long de tous les chemins où intervient l'action. Donc ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est un peu stupide de parler si longtemps de ce dont il ne s'agit pas. Mais néanmoins, c'est pour insister sur ce fait que je m'intéresse à ce que j'appelle l'action humaine. Mais en même temps, je ne veux pas... C'est-à-dire qu'il y a un agent. Il y aura forcément un agent. Mais je ne veux pas, évidemment, préjuger exagérément quant à cet agent. Qu'est-ce qui intervient dans, quelles sont les propriétés de l'agent qui vont intervenir? Jusqu'à quel point l'humanité de l'agent va être impliquée? Je ne veux pas prendre de décision forte à ce sujet dans cette réflexion sur la définition de l'action. Alors, pour arriver à cette définition, je distingue un aspect morphologique et un aspect comportemental de l'action. L'aspect morphologique, il me conduit, donnant tout de suite le résultat, à dire qu'une action est une impulsion résultative. Alors, qu'est-ce que ça signifie, cette expression? Ben, on peut y arriver en réfléchissant sur les mots avec la terminaison en « sion » qui sont des mots qui expriment les actions, très usuellement dans notre langue, et on les retrouve dans beaucoup, dans beaucoup d'autres langues. En fait, c'est un suffixe latin, c'est le suffixe « sio » du latin, et vous retrouvez des mots typiquement formés de cette manière, avec un suffixe en sion en français, mais avec un analogue de sion dans d'autres langues, et ça exprime les actions. Et bien, ces mots qui expriment les actions, généralement, ils peuvent désigner à la fois le processus et le résultat. Je vais prendre deux exemples. Il y a énormément d'exemples, mais généralement, chaque fois que je dois les prendre, ils me font faux bond, et je me trouve dans une situation extrêmement gênante devant mon auditoire. Mais donc, pour conjurer ce trouble plusieurs fois éprouvé, j'ai décidé de m'appuyer sur deux exemples fixés une fois pour toutes, et qui donc là ne peuvent pas me manquer puisqu'ils sont stockés. Il y en a un qui est traduction. Évidemment, le mot traduction, il peut désigner le processus de la traduction, et vous pouvez dire qu'un texte est en cours de traduction. Par exemple, on a longtemps dit que Sein und Zeit était en cours de traduction, et la période visée était une très longue période. Mais finalement, quand vous, dans une note de bas de page, vous citez la traduction à laquelle vous vous référez, le mot traduction désigne le résultat de la traduction et non pas le processus. De même, si vous prenez le mot détérioration, vous pouvez constater, après avoir prêté votre appartement à quelqu'un, un certain nombre de détériorations de cet appartement qui vous font pousser des cris, et là c'est les résultats dont il s'agit, ou bien vous pouvez décrire le vieillissement comme une détérioration permanente, et à ce moment-là c'est le processus que vous désignez. Donc les mots qui se terminent par le suffixe « sion », ils désignent ordinairement à la fois le processus et le résultat. Mais s'il y a le résultat à un bout, il faut qu'il y ait l'impulsion au départ. Et s'il n'y avait pas d'impulsion, ce dont on parlerait ne serait pas à proprement parler une action, parce qu'il ferait défaut justement la condition de segmentation. Si on parlait de quelque chose qui dure depuis l'origine elle-même inassignable de l'être et qui arrive juste à son résultat, c'est pas ce qu'on appelle ordinairement une action. Une action, effectivement, si on est capable de se focaliser sur son résultat, c'est parce que ce résultat est comme l'image temporelle d'une autre borne, qui est la borne de l'impulsion. Alors, quel rapport doit-il y avoir entre l'impulsion et le résultat pour que l'on puisse parler d'une action ? Ben, à mon avis, il faut que nous ayons en vue une continuité de l'impulsion au résultat. Il me semble clair que s'il y avait quelque part une dissociation qui rende l'impulsion et le résultat orpheline ou orphelin, orpheline, hein, orphelin à cause de la surpuissance du masculin, bon, l'un par rapport à l'autre, ce ne serait plus une action, justement. Ce qui nous fait contempler une action dans l'affaire, c'est que le résultat est le résultat de cette impulsion. Donc il faut chercher une manière de le nommer, et impulsion résultative m'a semblé la façon la plus commode, parce que faire dans l'autre sens... un résultat impulsionnel, j'ai l'impression qu'on ne comprend pas, tandis que l'impulsion résultative, on comprend bien, c'est-à-dire que une action, c'est une impulsion, si on veut, mais une impulsion déjà envisagée comme allant continuellement, sans hiatus, jusqu'au résultat. Donc ça, c'est la morphologie. Une impulsion, un résultat, et une continuité indéchirable de l'impulsion-résultat, je résume ça par l'expression impulsion résultative. Mais maintenant, si on dit impulsion résultative... une action pourrait encore être quelque chose de parfaitement impersonnel, n'ayant rien à voir avec aucun agent, et on n'aurait plus affaire à ce que j'appelle l'action humaine. Pour qu'on soit dans ce domaine de l'action humaine, il faut aussi qu'il y ait un aspect que j'appelle comportemental. Et j'écoute le mot comportement d'une manière un peu étymologiquement lourde. Il faut qu'il y ait une instance qui est portée avec l'action, comportée. Et donc cette instance, ce qu'on pourrait dire, c'est qu'il faut qu'il y ait une instance qui est comme un poids et une mise. C'est un poids qui charge l'action, qui est trimballé le long de l'action, mais c'est aussi une mise. Alors quand je dis une mise, ça veut dire que cette instance, elle va s'impliquer dans l'action. Il faut que cette action, disons-le dans un langage terriblement colporté, dans toute la société, mais aussi à l'intérieur de la philosophie, il faut que l'action corresponde à un enjeu pour l'agent. Il faut que l'agent s'implique. Alors, pour qualifier cet agent, qui est à la fois un poids et une mise, j'utilise le mot « suppos ». C'est ce que j'ai fait dans le livre de 2000, 14 ans maintenant. J'ai utilisé le mot « suppos », ce qui était... alors. D'abord, il y a la cause qui est que je me souvenais de fin des années 60, début des années 70, où le livre de Klossowski sur Nietzsche circulait de main en main et brillait de mille feux, et Klossowski utilisait beaucoup le mot « suppos » pour désigner la conception nietzschienne du corps, pour faire parler la conception nietzschienne du corps. Donc, ce mot a, disons, enchanté ma jeunesse. Si je l'ai réutilisé, c'est parce que, justement, il me semblait que suppos, ça peut désigner quelque chose qui est quand même une implication humaine, quand même une implication d'un agent humain, mais qui en même temps est désigné de manière extrêmement impersonnelle. Puisque c'est un mot à résonance nietzschéenne, on n'est pas devant un sujet juridique, une âme. Il y a un certain nombre de connotations qui sont court-circuitées par cette expression « suppos ». Quand je traduis en anglais, je dis « substrate ». Je perds Klosowski et Nietzsche, mais il faut accepter les conséquences de la traduction et de l'internationalisation des idées. Il y a éventuellement de la perte. Pas sûr en même temps. Donc le suppos s'implique, mais aussi le suppos se rassemble. Justement, c'est un peu lié aussi à cet horizon nietzschéen, c'est-à-dire que le suppos, c'est pas une figure absolument standard du sujet. Donc, on est prêt à envisager que le suppos en tant que tel, il est parfaitement pluriel, il est parfaitement dispersé. Mais néanmoins, dans l'action, un des effets de l'action, un des effets du cours d'action, comme le disent les gens en ergonomie, hein, un des effets du cours d'action, ce sera que le suppos va prendre une identité, prendre une figure, et dans cette identité et dans cette figure, cette diversité originaire éventuelle sera gommée, oubliée, effacée. D'où la définition. Une action, c'est une impulsion résultative en laquelle un suppos s'implique et se rassemble. Donc ça, c'est la définition générale de l'action. Alors, son intérêt pour moi est que je pense pouvoir l'illustrer par trois modèles. Et ces trois modèles, ils précisent un peu... Enfin, c'est eux qui réussissent... réellement, à mon sens, la sortie à l'égard du holisme actionnel, parce que c'est eux qui fixent des conditions contraignantes pour qu'on reconnaisse quelque chose comme action. C'est programmé dans la définition générale, hein, mais les trois modèles, pour moi, sont ceux qui vraiment réalisent cette opération, qui est une opération de concrétisation, en un sens. En un sens, ma demande, c'est qu'on concrétise cette notion d'action, au lieu d'en faire un nom du sens de l'être. Il y en a trois. Il y en a un que j'ai appelé dans le livre de 2000 le modèle physique de l'actualisation. Je me rends compte a posteriori que ce nom a le défaut de ne convenir vraiment qu'à une moitié de ce qui est visé. Donc il faudrait peut-être trouver... physique est bon, mais de l'actualisation, il faudrait peut-être améliorer. Je ne sais pas trop comment améliorer. Si vous avez des idées, vous êtes invité à me les communiquer. Le deuxième, c'est le modèle linguistique de l'acte de langage. Et le troisième, c'est le modèle mathématique de la construction. Alors, le modèle physique de l'actualisation, qu'est-ce que c'est? D'abord, il y a sa forme de base, hein, où ce qui est visé, c'est l'action la plus ordinaire et, je dirais, la plus sordide. Hein, et le meilleur exemple, c'est le coup de la gifle. Disons de la gifle. Je représente la gifle comme ça. C'est-à-dire que vous avez quoi? Vous avez un point de départ, qui est là, c'est là qu'on va situer l'impulsion, où c'est le moment où la main se lance, s'élance. Donc lorsque la main s'élance, dans l'optique physicaliste, qui est celle de ce modèle, justement, le fait que la main s'élance, ça se traduit, dans la lecture physicaliste du monde, par un vecteur vitesse initial. Donc, si vous visez, quand votre main s'élance, vous avez un petit vecteur vitesse comme ça. Et le vecteur vitesse, il exprime que votre main, même si vous êtes en train de la regarder avant qu'elle ait commencé à bouger, elle a cette potentialité de mouvement ou cette disposition à bouger dans une certaine direction avec une certaine intensité qu'exprime exactement un vecteur vitesse. Ensuite, elle a une trajectoire et puis vous avez un impact. Dans l'exemple de la gifle, c'est l'impact sur la surface du corps de la personne giflée. Vous imaginez un coup, ce n'est pas forcément la gifle. La gifle a quelque chose de caressant encore, ce qui pervertit un peu le modèle. Donc imaginez plutôt le coup de poing. Donc à ce moment-là, la condition générale de l'impact, c'est une condition de transversalité. C'est-à-dire que le bout du coup, c'est que la main, si c'est la main qui donne le coup, atteint la surface qui est visée et elle l'atteint de façon transversale. Donc, alors, la transversalité, hein, je ne sais pas si c'est clair pour vous, la notion de transversalité. Donc, si vous considérez les positions possibles d'un plan dans l'espace et d'une droite, hein, ben, on apprend, géométrie dans l'espace, ça se faisait en classe de seconde dans le passé, on apprend qu'il y a trois positions possibles d'un plan et d'une droite dans l'espace. Soit la droite est parallèle au plan, soit elle est incluse dans le plan, soit le cas le plus normal, c'est le cas où elle perce. La droite perce le plan en un point. Si vous prenez une droite au hasard, qu'elle soit parallèle ou incluse dans le plan, c'est très improbable. C'est un cas extrêmement particulier. Le cas générique, c'est le cas où elle perce. Et le cas où elle perce, c'est ce qu'on appelle transversalité. Une notion mathématique générale de transversalité. On peut définir transversalité entre deux variétés différentiables, deux sous-variétés différentiables. Bon. Normalement, je pense que c'est assez intuitif. Hein. La transversalité, c'est justement le fait que la droite, pourquoi elle est transversale au plan ? Parce qu'elle ne l'épouse pas, elle ne le longe pas. Elle le perce. Cette notion de percer, c'est la transversalité. Alors le coup, ben, il est transversal, justement. Si votre coup, il est tangent, hein, c'est-à-dire si vous imaginez un coup qui arrive comme ça, hein, de manière tangente à la surface, bon, ben, c'est un peu moins un coup. Comme je disais, ça se met à ressembler à une caresse, hein, si vous épousez la surface comme ça. L'idée pure du coup, c'est l'arrivée transversale. Donc voilà le premier modèle. Alors, j'ai trouvé finalement qu'à l'expérience, donner seulement le modèle du coup, c'est un peu méchant. Donc, je vous propose un autre modèle qui est le coup franc de Platini. Hein? Le coup franc de Platini, ben, vous avez clairement l'impulsion, hein, c'est le coup de pied, hein, qui est donné dans le ballon. Hein? Donc, à un certain moment, le pied arrive sur le ballon et donne un vecteur vitesse au ballon, ce qui fait que le ballon va s'élancer. Et après, il y a une trajectoire de ce ballon, qui est la fameuse trajectoire feuille morte, hein, comme on l'appelait. Et bon, même si Platini n'était pas le premier à l'avoir fait, c'est celui qui a donné ses lettres de noblesse à ce geste. Et à l'arrivée, il y a une condition de transversalité, hein, parce que je vous rappelle que quand vous avez un but de football, pour qu'il y ait but, il faut que le ballon arrive transversalement. Il y a la surface limite du but, et si le ballon n'arrive pas transversalement, il n'y a pas but. Et quel est le grand cas historique où on voit que cette affaire de transversalité est fondamentale? Est-ce que quelqu'un sait? Il y a une grande contestation qui marque l'histoire du football mondial où tout l'enjeu c'est de savoir s'il y a transversalité. C'est le ballon est sorti. Non mais je dis un cas historique. C'est le troisième but des Anglais dans la finale de 1966, finale du mondial 66. Il y a les Anglais menaient 2-1. Les Allemands qui refusent de perdre ont égalisé à la 90e minute. On rentre dans les prolongations et je ne sais plus si c'est pendant la deuxième. Oui, c'est pendant la deuxième prolongation, je pense. Il y a un Anglais, dans mon souvenir, ça doit être Hurst, mais j'en suis pas sûr, qui envoie un ballon qui tape la barre d'en haut, puis arrive en bas. Et toute la question est de savoir si cette trajectoire finale, depuis le moment où il a tapé la barre d'en haut jusqu'au contact en bas, est-ce que ça a fait une entrée transversale par rapport à cette surface ou non ? Et les Allemands ont toujours prétendu que c'était pas transversal, que c'était tangent, et donc qu'il n'y avait pas but. Et bon, et quand on regarde la vidéo, on est incapable de conclure. Mais l'arbitre a validé le but, donc l'arbitre a considéré que c'était très légèrement incliné, et que donc c'était entré. Bon. Mais là, on voit bien que c'est l'affaire de la transversalité. Là vous avez un autre exemple de ce modèle élémentaire. Alors dans ce modèle, qu'est-ce qui est l'impulsion ? C'est le vecteur vitesse d'origine. Qu'est-ce qui est le résultat ? Ben, c'est l'intersection transversale avec une surface d'impact. Et qu'est-ce qui fait la continuité ? Ben, c'est la trajectoire, tout simplement. Mais on a bien aussi implication et rassemblement. Alors si vous prenez l'exemple de votre coup, ben, ce que vous pouvez dire, c'est que dans le coup, c'est comme si l'agent que vous êtes s'impliquait dans le coup, mais en s'impliquant dans sa main. Si c'est votre main qui donne le coup, c'est comme si vous étiez votre main. Et à la fois, cette façon que vous avez d'être votre main dans votre coup, c'est comme si votre colère devenait votre main. Et tout ce que je suis en train de décrire, c'est à la fois votre implication et votre rassemblement, c'est-à-dire que vous n'êtes plus que ça. En fait, vous aimez la personne, vous avez envie de continuer à discuter avec elle, mais vous êtes tellement énervé que vous n'êtes plus que ce point qui frappe. Donc toute cette diversité intéressante est effacée. Et dans le cas de Platini, l'implication et le rassemblement est encore plus évidente. Hein. Alors, l'implication, évidemment, Platini, on peut imaginer qu'il mettait beaucoup de lui-même à chaque fois qu'il le frappait, mais l'effet d'identification, dans le cas de Platini, il est extraordinaire, puisque c'est presque le trait le plus connu de Platini, ce coup franc de feuille morte. Bien. Alors ça, c'est le modèle physique dans sa forme la plus ordinaire. Mais ce même modèle physique, vous pouvez l'envisager d'une façon un peu plus sophistiquée. Hein, et là, vous allez l'envisager au niveau de la modélisation par attracteur. C'est-à-dire que le résultat sera une qualité. On peut envisager un modèle qui, selon moi, reste le même, avec un résultat qui n'est pas un impact transversal, comme ça, donc une sorte de blessure, disons, mais qui est une qualité. Alors, pour faire ça, il faut envisager la modélisation par attracteur. Je vous rappelle le principe de... Ou alors, je saute ça. Je suis un peu embêté parce que je vais beaucoup trop long. Bon, je réserve le cas sophistiqué à des entretiens privés. Et je passe au modèle linguistique de l'acte de langage. Alors là, c'est simple, parce que le travail est déjà fait. Il suffit de récupérer ce que Austin nous a légué. Hein, il nous a légué une notion d'action qui est l'action illocutionnaire. Hein, ce qui est vraiment proprement la contribution d'Austin. C'est pas l'idée qu'on trouve aussi chez lui, mais justement pour faire la distinction d'acte locutoire ou d'acte perlocutoire. C'est l'idée d'acte illocutoire. Donc je rappelle que dans l'analyse du langage que propose Austin, il dit que finalement, au début, il démarre sur l'idée des performatifs, qui sont des énoncés exceptionnels, du type la séance est levée, énoncée par le président de séance, mais finalement il arrive à l'idée beaucoup plus radicale que tout énoncé a une force illocutionnaire, c'est-à-dire que tout énoncé accomplit un acte, et il l'accomplit d'une manière qui est intrinsèque et interne au langage. C'est-à-dire que on n'a pas besoin d'invoquer autre chose que le langage pour prendre la mesure de cet acte. Il suffit d'être dans la convention du langage pour comprendre ce que c'est que cet acte. Donc l'acte locutoire, c'est l'acte de combiner les mots pour fabriquer une phrase. Donc là, c'est un acte combinatoire, formel, si vous voulez. Et l'acte perlocutoire, c'est l'acte qui consiste à avoir des effets causaux sur la personne à qui vous parlez. Et on peut imaginer deux types soit vous proférez une phrase avec une stridence telle que vous cassez le tympan de votre interlocuteur, ça c'est un effet, c'est un cas d'acte perlocutoire, hein, puissance causale de votre phrase, ou alors, cas plus ordinaire, puissance causale psychologique, vous lui dites un truc pas gentil, comme quoi il est complètement, moche et stupide, et la personne est triste. Donc, autre cas du perlocutoire. Donc l'acte illocutoire, c'est pas ça, c'est je commets un acte et cet acte, au nom de la convention du langage, il vaut comme une espèce de contrat pour une micro-société qui est en gros la micro-société constituée par l'énonciateur et le destinataire. Et les exemples standards, c'est l'exemple de l'ordre, de la promesse, de la question. Donc, prenons l'exemple de la question. Si j'énonce une phrase qui est une question à l'endroit de quelqu'un, je m'institue moi comme en attente d'une réponse et je fais peser sur mon interlocuteur la demande d'une réponse. Donc, je crée un système d'attente qui est un contrat entre les deux personnages, et ce contrat est l'institution même du langage. C'est le langage en tant qu'institution qui a la force d'établir ce contrat, et c'est ça l'acte. Questionner est un acte de langage. Bon, donc dans ce genre d'acte de langage, qu'est-ce qui est l'impulsion? Je pense que justement c'est l'énonciation, c'est-à-dire que dans le cas particulier, le mot en action a naturellement la valeur de la désignation de l'impulsion. Ce que ça veut dire l'énonciation, c'est le lâcher de l'énoncé. C'est l'espèce de moment initial du lâcher de l'énoncé. Et l'énoncé, c'est le résultat de l'énonciation. Alors, quelle est la continuité entre l'énonciation et l'énoncé? C'est une continuité logico-métaphysique. C'est que nous n'appellerions pas à énoncer quelque chose qui ne nous viendrait pas par une énonciation. Cette énonciation fut-elle une écriture? Et d'autre part, nous n'appellerions pas énonciation quelque chose qui ne produirait pas un énoncé. Donc il y a un lien que j'ai présenté ici de façon logique, mais qui correspond exactement, pour ceux que ça intéresse, à ce que Husserl appelle liaison métaphysique dans philosophie de l'arithmétique. Cette référence à Husserl est juste pour dire qu'à cet endroit-là, la logique, elle vaut comme lecture des connexions ontologiques incontournables, à mon sens. Donc cette liaison, appelons-la liaison métaphysique entre l'énonciation et l'énoncé, celle qui assure la continuité de l'impulsion et du résultat. Maintenant, quelle est l'implication et le rassemblement dans cette affaire? L'implication, c'est l'engagement dans un rôle au sein d'une micro-société. En questionnant, je m'engage dans le rôle du questionneur, et à nouveau, je me rassemble dans le rôle de ce questionneur. C'est-à-dire avoir des conversations avec des gens, ça veut dire notamment prendre la figure des actes de langage successifs qu'on endosse vis-à-vis de notre interlocuteur. De là, je passe au modèle mathématique de la construction. Et je constate avec extrême surprise que finalement mon exposé a une intersection partielle avec le cours de logique de L3. Donc, prévu, mais appréciable. Donc, qu'est-ce que c'est que le modèle mathématique de la construction? Ici, ce que je désigne par construction, c'est la notion post-brauerienne de construction mathématique. C'est-à-dire, c'est la fabrication d'un objet en accord avec une définition récursive. Donc, je rappelle qu'une définition récursive d'une classe d'objets consiste à introduire une classe d'objets en donnant un stock d'objets primitifs et des règles de fabrication qui permettent de fabriquer de nouveaux objets de la classe à partir d'objets de la classe supposés déjà donnés. Donc, je répète, définition récursive. On a des objets primitifs et on a des règles de fabrication. L'exemple le plus simple de ça, c'est la RAM SNCF ou RATP. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une RAM? Vous définissez par la RAM primitive, un wagon est une RAM, et puis vous donnez une règle récursive, une règle de fabrication qui dit on obtient une nouvelle RAM en accrochant un wagon à une RAM. Donc, si vous savez que le wagon tout seul est une RAM, et si vous savez que vous obtenez une nouvelle RAM chaque fois qu'à une RAM vous accrochez un wagon, en appliquant cette règle selon laquelle vous avez le droit d'accrocher un wagon autant de fois que vous voulez, vous construisez des RAM de 3, 4, 5, 6, 7 wagons. Donc, ça, c'est l'exemple le plus simple. Je vous donne mon autre exemple, pareil, étant complètement sclérosé, maintenant j'ai un système d'exemples dont je ne sors jamais. Je vous donne l'exemple de la classe récursive des formules du calcul propositionnel. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une formule du calcul propositionnel? Qu'est-ce que c'est? Premièrement, c'est une lettre du type PQR, etc. Ça, c'est déjà une formule. Si vous écrivez une lettre de ce type-là, c'est une formule. Et deuxièmement, si F en est une, non F en est une. Et troisièmement, si F et G en sont, grand F et grand G, grand F ou grand G, grand F implique grand G, grand F équivaut G, en sont. Donc vous avez toujours le même concept de définition récursive. On vous donne des objets primitifs. On veut définir la classe des formules du calcul propositionnel. On commence par vous dire, il y a certains objets qui sont de plein droit des formules du calcul propositionnel, à savoir une lettre. Lettre de l'alphabet latin majuscule à partir de P, en gros. Mais on pourrait en rajouter tant qu'on veut. Ça, c'est des formules. C'est posé. Ça, c'est les formules primitives. Et ensuite, on vous dit, quand vous avez une formule, si vous mettez le symbole non devant, ça vous fait une nouvelle formule. Et quand vous avez deux formules, si vous mettez entre les deux formules le symbole et, le symbole ou, le symbole implique ou le symbole équivaut, ça vous fait une nouvelle formule. Et fabriquez toutes les formules que vous voulez en appliquant indéfiniment ces règles-là. Alors, chaque fois que vous avez une formule qui a été construite conformément à une telle définition récursive, il y a un arbre qui témoigne de la fabrication correcte de cette formule. Je vous fais l'arbre dans le cas particulier. Voilà. Donc vous voyez cet arbre, il raconte exactement la construction de cette formule. Comment j'ai construit cette formule? Je me suis appuyé sur des formules primitives qui sont P, Q et R. Donc ça, je sais que c'est des formules, d'après la clause I. Elles font partie des formules primitives. Et donc ça, si R est une formule primitive, j'ai le droit de mettre non devant, d'après la clause 2I. Et je fabrique ici, à ce stade-là, la formule non-R. Mais si non-R et Q sont des formules, j'ai le droit de mettre E entre les deux, j'obtiens une nouvelle formule. Donc je fabrique à ce stade-là la formule Q et non-R. Et puis, puisque Q et non-R d'un côté, P de l'autre sont des formules, je peux mettre implique entre les deux et j'obtiens la formule finale. Alors, il faut comprendre maintenant le commentaire philosophique de cette affaire. En quoi ça satisfait la définition générale, une impulsion résultative en laquelle un suppos s'implique et se rassemble. Donc il faut comprendre d'abord qu'est-ce qu'est l'impulsion et qu'est-ce qu'est le résultat. Alors c'est un tout petit peu plus compliqué parce que ici, l'impulsion, c'est-à-dire ce qui provoque le résultat, hein, c'est ça l'impulsion, ben, c'est les choix qu'on fait à chaque étape de la construction. Parce qu'il faut comprendre que quand vous effectuez une telle construction, cette construction, elle est libre par définition. Quand vous avez un système de règles, comme ça, ben, à chaque moment, vous choisissez la règle que vous activez. Quand vous convoquez une formule primitive, vous choisissez celle que vous convoquez. Et quand vous utilisez une règle, vous choisissez la règle que vous utilisez. Donc ici, à chaque nœud de l'arbre, c'est un choix. Ici, j'ai choisi R, j'aurais pu prendre Q. Ici, j'ai choisi Q, j'aurais pu prendre P. Ici, j'ai choisi P, j'aurais pu prendre R. Ici, j'ai appliqué la règle du non. J'aurais pu appliquer une règle du et entre Q et R. Ici, j'ai appliqué le et, j'aurais pu appliquer le implique. Ici, j'ai appliqué le implique, j'aurais pu appliquer le ou. Donc, chaque nœud, c'est un choix. Donc, il y a une séquence de choix. Chaque nœud de l'arbre témoigne d'un choix. Et finalement, donc, cet arbre, il présente deux choses à la fois. Il présente la formule dans sa structure. C'est-à-dire que si vous regardez l'arbre, ben, l'arbre vous dit exactement comment cette formule est structurée. C'est-à-dire, elle dit exactement au logicien comment il doit la comprendre, comment il doit calculer ses valeurs de vérité, par exemple. Donc, l'arbre présente la structure qui est la structure pertinente pour un objet qui a été construit. Et deuxièmement, donc, il présente le résultat. Il présente le résultat dans son visage le plus pertinent. Mais en même temps, l'arbre aussi, il raconte l'impulsion. Puisque, qu'est-ce qui est consigné dans l'arbre? C'est tous les éléments d'impulsion, tous les éléments de la séquence de choix qui sont l'historique d'impulsion qui est derrière ce résultat. Donc l'arbre, il affiche devant nous l'impulsion et le résultat dans une sorte d'entrelacement parfait. Donc vous avez bien la dimension d'impulsion résultative. Alors reste à voir qu'est-ce qui est là-dedans, l'implication et le rassemblement. Bon, je vais le dire relativement rapidement. Hein. Il y a un premier aspect d'implication et de rassemblement là-dedans qui a à voir avec la fonction fondationnelle des constructions. Parce que ce qu'il faut comprendre, là je fais une sorte de petit détour qui est de l'ordre de la philosophie des mathématiques. Ce qui est essentiel dans cette notion de construction, c'est qu'on peut présenter les objets mathématiques fondamentaux comme des constructions. Ça, c'est la présentation des nombres entiers comme constructions. C'est ce que faisait déjà Brouwer. Il y a querelle sur qu'est-ce qui est un objet mathématique acceptable. Mais aucun mathématicien ne pourra éviter que les nombres entiers naturels, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc., ce soient des objets mathématiques acceptables. Et ces objets mathématiques-là, on peut les présenter comme constructions. On dit par exemple qu'un nombre entier, c'est une suite de bâtonnets. Donc on va dire que l'inscription consistant en un bâtonnet, c'est un nombre entier, et que chaque fois que je rajoute un bâtonnet, j'obtiens un nouveau nombre entier. C'est comme la définition des rames. Donc la notion de construction, elle permet de décrire les objets mathématiques fondamentaux. Mais elle permet aussi de décrire les éléments qui interviennent dans n'importe quel langage formel. Tout langage formel a comme constituant des constructions en ce sens-là. Donc la notion de construction, elle est complètement fondamentale pour les problèmes de fondement des mathématiques, parce qu'elle est inévitable à la fois du côté de l'objet et du côté du langage. Si la connaissance mathématique, c'est un langage qui s'adresse à des objets, un langage formalisé qui s'adresse à des objets mathématiques, ben la notion de construction est des deux côtés. Elle est dans le langage formel, elle est dans l'objet mathématique. Bon, mais alors pourquoi il y a cette force fondationnelle de la notion de construction? Ben, pourquoi? Mais c'est parce que il est clair pour n'importe quel esprit, bien pour tout esprit qui a fréquenté la logique et les mathématiques, bien sûr, mais même pour tout esprit qui est au dehors, que personne ne peut être en désaccord avec ça. Vous ne pouvez pas imaginer quelqu'un qui dirait que ça, ce n'est pas une formule construite correctement à partir de ces règles-là. Et ce qui est apparu au cours du XXe siècle, c'est que l'accord qui est le nôtre sur le fait que les constructions sont des bonnes constructions par rapport à une règle récursive qui a été donnée, cet accord-là est le truc, le noyau le plus inévitable du rationnel. Finalement, le travail rationnel, on ne peut pas imaginer des gens qui ne partagent pas ça. Si vous ne pouvez pas discuter avec des gens qui ne reconnaissent pas qu'une construction a été correctement construite. Donc, c'est comme quelqu'un qui ne pourrait pas convenir de ce qu'une phrase a un sujet, un verbe et un complément. C'est du même ordre. Comprendre, reconnaître dans Jean aime Marie le sujet, le verbe et le complément, c'est du même ordre. C'est reconnaître un mode constructionnel attesté. Donc la notion de construction, elle est essentielle sur ce mode fondationnel. Alors pourquoi l'est-elle dans l'analyse qu'on peut en faire? Ben, elle l'est parce que cette structure de construction que reflète l'arbre, vous pouvez la retrouver au niveau mental, au niveau discursif ou au niveau scriptural. C'est-à-dire que ici, c'est un petit arbre, vous pouvez tout à fait le déployer dans votre tête. Vous pouvez, la nuit, faites l'exercice ce soir, vous ressouvenez de P implique Q et non-être, et vous déployez l'arbre dans votre tête. Vous y arriverez. Avec notre petit buffer mental, on peut très bien mettre en scène cet arbre dans notre tête, avec ses articulations et son histoire. Donc, on peut effectuer dans la conscience, ça, simplement. Ça tient dans la phénoménologie humaine, c'est, au moins dans les cas simples. Dès que c'est plus compliqué, ça ne marche plus. Premièrement, vous pouvez aussi le raconter. Je vais vous faire le discours, hein. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris R, j'ai mis non devant. J'avais Q dans une autre main. J'ai pris mon non-R que je venais d'obtenir. J'ai mis E entre Q et non-R. J'ai obtenu Q et non-R. Mais j'avais P que j'avais laissé dans un bol. J'ai pris mon P qui était dans un bol. J'ai pris mon Q et non-R que je venais de réussir dans ma toile. Et j'ai mis un pic entre les deux. Et j'ai obtenu ma formule. Donc je peux raconter l'histoire discursivement. Et enfin, je peux la présenter au tableau, scripturalement. Et ce qui est clair dans l'usage de cette notion de construction, c'est que vous l'envisagiez dans la phénoménologie intime, que vous l'envisagiez dans le discours, ou que vous l'envisagiez sur le tableau, dans une écriture symbolique, c'est la même chose. On n'a pas de problème à reconnaître l'identité de ces trois modes de présentation de la construction. Donc ça veut dire que dans l'action constructive, l'action de faire une construction en ce sens-là, ben, il y a quelque chose qui se rassemble. Il y a la pensée, le discours et l'écriture qui se rassemblent. Donc, et ce serait ça le mode d'implication et de rassemblement qui définirait quelque chose comme l'agent du comportement formel. Ou, si on veut garder mon vocabulaire nietzschéen, le suppôt formel. Bon. Donc, on peut rajouter un autre élément, mais je pense que c'est suffisant. Alors, je vous donne la conclusion de cette première partie concernant l'action. Donc, l'idée, c'est que pour qu'il y ait action, il faut qu'il y ait une segmentation, et il faut que dans cette segmentation, on retrouve tous les éléments fondamentaux, l'impulsion résultative, l'implication et le rassemblement. Donc, ça ne va pas de soi que quelque chose soit une action. On ne va pas pouvoir appeler tout action. Et donc, en réalité, je dirais, en désaccord avec ce que dit Macheret, hein, je pense que, avec cette exigence que l'action ne soit pas déprocessualisée et décontextualisée, qui est la sienne, il n'y a plus d'action, à vrai dire. Hein. J'ai l'impression que ce qu'il dit pour défendre l'action, en réalité, la perd. Donc, cette segmentation, c'est ce qui nous... Je donne une autre formulation. Hein. Je suis gêné parce que ça a l'air d'être agressif, alors que je vous assure que mon amitié et mon admiration pour Pierre Macheret sont totales. Mais ce à quoi je réagis, moi, c'est l'idée que sans cette segmentation, ce qu'on a, c'est une soupe. On a une soupe actionnelle. Et d'ailleurs, à titre de commentaire, je pense que un langage qui est souvent utilisé pour cette réduction ad actionnem, c'est de dire, en fait, derrière les réalités qu'on est en train d'évoquer, ce qu'il y a, c'est des pratiques. Et le pluriel, les pratiques, souvent, c'est le nom de la soupe, par excellence. Ça veut dire que les pratiques, c'est quelque chose qui est donné, et on n'a pas besoin de faire le moindre effort pour en trouver le début, la fin, le bord, parce que c'est la soupe. Donc il s'agit de sortir de la soupe, et c'est ça le but de cette opération. Et alors j'ajouterais que dans chaque mode de segmentation, parce que là je vous ai présenté trois modes de segmentation qui correspondent à ces trois modèles, ben, on passe à chaque fois par une idéalité et par une figure de la subjectivité. Dans le premier cas, on passe par, pour le coup franc feuille morte et le coup porté à votre camarade, l'idéalité, ben c'est justement l'idéalité géométrique du continu mathématique qui détermine la trajectoire et de la notion de transversalité. Tout ça, c'est de l'idéalité mathématique, de l'idéalité géométrique. Et il me semble que c'est sous-jacent à notre notion, la segmentation particulière qui est celle de l'action physique, en ce sens-là. Dans le second cas, dans le cas de l'acte de langage, c'est l'idéalité du langage. Et je prends l'idéalité à chaque fois au sens platonicien. Ce que j'appelle l'idéalité, c'est chaque fois qu'il y a des entités qui sont au-dessus d'une multiplicité d'occurrences, qui ne se présentent que dans ces occurrences. On accède à notre idée que à travers les occurrences. Et d'autre part, aucune occurrence ne la présente vraiment. C'est-à-dire qu'on accède à l'idée que dans l'occurrence, mais en même temps, l'idée, elle est hors de l'occurrence, elle est au-delà de l'occurrence. C'est ça la structure de l'idéalité. C'est cette structure type occurrence qui est à la fois un mode de présentation et un mode d'absence de l'idée. Bon, les idéalités mathématiques sont de ce type-là, mais les idéalités du langage sont de ce type-là aussi. C'est aussi encore une remarque que Husserl fait de façon récurrente, hein, que le mot « lion » est quelque chose qui est à la fois qui se présente et s'absente à la fois dans chaque occurrence proférée ou écrite de lion. L'acte de langage relève de l'idéalité aussi. La segmentation de l'action n'est obtenue qu'à travers l'idéalité, au sens cette fois-ci de l'idéalité de langage. Enfin, dans la construction mathématique, on est de nouveau dans l'idéalité mathématique. Mais vous voyez bien que ce n'est pas la même idéalité mathématique. C'est une idéalité beaucoup plus primitive. C'est l'idéalité de la construction, c'est l'idéalité de ces objets qui sont des espèces de formes répétitives d'agencement. Et chacun est un type. Vous voyez qu'on peut répéter le type de P implique Q et non R chez des tas d'individus, sur des tas de tableaux, en des tas de moments. Donc on est toujours dans l'élément de l'idéalité, mais c'est l'idéalité beaucoup plus primitive par rapport à l'idéalité de la trajectoire et de la transversalité qui, elle, mobilise de la géométrie assez élevée. Donc il faut de l'idéalité à chaque fois, mais il faut aussi de la subjectivité. Dans le coup, ben, il y a quelque chose du corps qui semble s'impliquer. On a l'impression qu'il y a une subjectivité du corps qui est impliquée. Si on prenait les exemples sophistiqués que je n'ai pas traités, ça pourrait être la psyché ou l'organisme. Donc il y a un sujet, mais c'est un sujet plus ou moins merleau-poncien peut-être. Enfin, bon. Mais il y a une figure du sujet. Dans l'acte de langage, il y a une autre figure de sujet qui est l'interlocuteur du langage, qui est le locuteur, justement. C'est le sujet, c'est le sujet qu'on appelle le locuteur, c'est-à-dire celui qui use du langage dans l'interconnexion humaine. C'est ce sujet-là qui se trouve pouvoir commettre l'acte de langage. Et enfin, ici, c'est le sujet formel. Alors, j'aurais des choses... Je voulais un peu présenter dans cette conjonction du discours, de la pensée et de l'écriture. On peut ajouter des choses, c'est-à-dire que le sujet formel, il contribue à des élaborations formelles qui sont des textes. Là, je pourrais développer, mais bon, j'estime que dans le contexte de l'intervention d'aujourd'hui, j'ai pas le temps. Alors voilà, donc maintenant, il s'agit de réfléchir s'il est raisonnable que je continue, et je suppose que non. Sinon, je vous fais le social. Continuer. Il faut continuer un peu. Alors, on fait le social. Bon. Alors, allons-y. Mon point de départ vis-à-vis de cette affaire du social, si vous voulez, je vais quand même reparcourir. Donc, il s'agit de savoir qu'est-ce qu'on appelle une entité sociale, qu'est-ce qui qualifie certains objets comme sociaux, bon. Comment autoriser épistémologiquement la strate objective du social, l'objectivité sociale. C'est ça le problème. Alors évidemment, ça paraît un peu grotesque de parler de ça, parce qu'il y a une tradition de l'épistémologie de la sociologie, qui est une épistémologie interne, et qui a donné ses réponses à une telle question. Alors, je vous présente les réponses connues de moi. Alors, c'est là que, bon, évidemment, ce serait toujours mieux de savoir beaucoup plus de choses, mais bon, il faut renoncer. À la fois, il faut apprendre autant qu'on peut, et il faut se rendre compte que ce qu'on sait, c'est toujours misérable. Mais c'est pas une raison pour renoncer. Moi, c'est Jean Petitot qui m'a expliqué ça. Il y a l'âge où on comprend que par rapport que la vie est beaucoup trop courte pour la connaissance et que donc on sera toujours terriblement ignorant par tout ce qui est fond énorme, essentiel, hyper intelligent et qu'il faudrait apprendre. Et on en apprend qu'une toute petite partie. Mais tant pis. La mauvaise attitude, c'est de dire bon, puisque c'est ça, je ne fais que regarder la télé. Non. Vous pouvez regarder la télé, faire un peu de sport et continuer à apprendre. Alors, je reviens aux doctrines disponibles sur l'objectivité sociale. Moi, ce que je connais, c'est la porie d'Urheim Weber, pour commencer. C'est-à-dire la thèse durkheimienne qui plaide pour l'existence d'entités sociales sui generis. On peut traiter comme des choses. Donc, il y aurait, avec un plein droit ontologique, des entités qui seraient sociales, donc qui se situeraient ontologiquement à un autre niveau que le niveau individuel. Ce que pense en fait Durkheim, vous le savez, c'est que ces entités-là ont la force d'imposer au niveau individuel des manières. Et donc on va avoir une convergence dans les manières, c'est-à-dire qu'on va avoir du général, et ce général sera induit par le caractère social. Donc c'est la formule durkheimienne, général parce que collectif, et non pas collectif parce que général. Donc Durkheim ne déduit pas le social de la convergence d'une multiplicité d'individualités, c'est le général. Il diagnostique le social chaque fois qu'il trouve du général comme ça, qui est commandé par une entité sociale sui generis. Donc ça c'est la position durkheimienne. Mais cette thèse suscite deux types de résistance, il me semble. Il y a un premier type de résistance qui correspond au fait que on a le sentiment que c'est définir le social par la contrainte, et ça énerve beaucoup les amoureux de la liberté. Alors, en réalité, cette thèse est probablement injuste, parce que ça repose toujours sur la confusion entre l'obligation et la contrainte, qui est un des grands trucs qui parasite les discussions contemporaines. À vrai dire, chez Durkheim, c'est peut-être pas aussi explicite que ça, si on regarde les textes, mais peu importe. C'est une des raisons c'est un des trucs qui joue en défaveur de la conception durkheimienne. Et la deuxième chose, c'est le rasoir d'Occam, bien sûr. C'est qu'on a l'impression que Durkheim est obligé de taper du poing sur la table et d'introduire de force une couche ontologique en plus, alors que ce qu'on a sous les yeux, ce qu'on a en main, c'est les individus, leur comportement. Donc pour ces raisons, il y a une force de la position dite de l'individualisme méthodologique attribuée à Weber, qui lui va dire qu'il n'y a que les comportements d'individu à individu, et en fait il va dériver ce qu'il appelle le social, et qui me semble être un social prédicat plutôt qu'un social substantif. Et ce social prédicat, il l'obtient à partir de la notion d'action significative, c'est-à-dire une certaine façon d'agir à l'égard d'autrui sur le plan des significations. Bon, mais en dépit de cette espèce de faiblesse de la position durkheimienne qui finalement tend à donner l'avantage à une position individualiste méthodologique de type weberienne, il reste que quelque part, Durkheim assume, lui, une évidence ordinaire. Parce que dans notre langage, on convoque les entités sociales sans arrêt et sans aucun problème. On n'a aucune... Je n'ai pas scrupule méthodologique, par exemple, à parler de l'équipe du Paris Saint-Germain et du fait que toujours l'équipe du Paris Saint-Germain s'effondre en novembre dans le championnat de France. Cette année, ce n'est pas le cas. Mais là, les circonstances sont tout à fait différentes. Mais traditionnellement, Paris Saint-Germain prenait toujours un très bon démarrage dans le championnat de France. Puis ensuite, en novembre, brusquement, les résultats s'effondraient. Bon, et voilà, cet énoncé, il met en piste une entité durkheimienne, parce que c'est jamais les mêmes joueurs. C'est une observation qui tenait sur 30 ans. Bon, donc qu'est-ce que c'est que ce, le Paris Saint-Germain, bon, vous voyez. Ou alors, si vous pensez au colbertisme invétéré de la société française, bon, on n'a aucune difficulté, en réalité, à parler au niveau de ces entités sociales. Donc, Durkheim a le mérite, au moins, d'affronter cette évidence. L'évidence de cette évidence, si je puis me permettre. Alors, on entend parler de l'existence d'une alternative à... Moi, c'est comme ça que ça... C'est une sociologue, un jour, qui m'a fait un exposé de ce genre-là, qui avait un moyen terme, c'est toujours très séduisant, le moyen terme, hein, entre l'individualisme méthodologique et le durkheimisme, qui était l'interactionnisme symbolique. Ben alors, bon, Stéphane Haber m'a dit de lire Blumer, donc j'ai lu Blumer, mais j'étais doublement déçu. D'abord parce que je trouvais que c'était pas du tout un compromis, que c'était autre chose. Et puis aussi, j'étais déçu à un autre endroit, c'est que c'est présenté souvent comme une conception phénoménologique du social, l'interactionnisme symbolique de Blumer. Et si vous me permettez de vous dire mon opinion, c'est pas phénoménologique du tout, ou du moins c'est pas phénoménologique comme je l'espérais, au sens où ce que Blumer appelle le social, en fait, c'est la convergence intentionnelle entre les sujets à l'égard des objets. C'est-à-dire qu'il envisage des sujets qui visent des objets de telle ou telle manière. C'est-à-dire qu'il approche des objets en leur conférant tel ou tel sens. Et tout ce qu'il appelle social, c'est des harmonies, des conjonctions entre les sujets et leur façon de viser des objets. Donc le social est peut-être phénoménologique en ce sens-là, c'est le partage d'une visée du monde, mais il n'est pas du tout phénoménologique au sens où la manière dont un sujet vise un autre sujet jouerait un rôle dans la phénoménologie. Donc c'est une intentionnalité qui n'est jamais interhumaine. Que nous présente Blumer. À part ça, en quoi ça constitue un moyen terme entre Durkheim et Weber, je vous avoue que je ne le vois même pas. Mais bon, ça c'était pour contextualiser, parce que vous savez, on apprend qu'il faut contextualiser dans les travaux philosophiques. C'est pas plus important. Un dernier élément de contextualisation, malgré tout, il y a quelque chose qui est connu comme la croix de toute phénoménologie du social. Alors, quelle est-elle? Ben, on envisage la phénoménologie par rapport au paradigme husserlien, à juste titre, hein, la seule vraie phénoménologie, c'est celle de Husserl. Donc, on envisage la phénoménologie par rapport au paradigme husserlien de la constitution phénoménologique. Et à ce moment-là, il est à peu près immédiat que si jamais on peut mettre sur pied une constitution phénoménologique du social ou des entités sociales, ben, par définition, en raison de la méthode husserlienne, ça fera résider le social dans le sujet. Voilà l'objection qui est faite toujours. On va dire que le protocole de reconnaissance phénoménologique des objets sociaux, il sera dans le sujet. Et donc tout ce qu'on aura éventuellement élaboré, c'est un critère de recognition par le sujet à l'intérieur du mobilier de tout ce qu'il constitue. On connaît le protocole suivant lequel il constitue en particulier le social. Mais dira-t-on, dans ce que nous comprenons comme le social, il y a par essence l'enjambement d'un sujet jusqu'à au moins un autre sujet hors de lui. On va dire que pour que ce soit du vrai social, il faudrait que dans notre notion du social, il y ait au moins la sortie de moi jusqu'à autrui. Ou sinon... c'est du pseudo-social. Donc un social purement à l'intérieur de la monade constituante husserlienne, ça semble insatisfaisant. Donc voilà un peu les données voilà un peu les données de mon approche, au moins, de cette question. Alors maintenant, j'en arrive à cette théorie du social. J'aurais pu faire un autre commentaire sur le fait que je présente des théories. C'est pas mon idée de la philosophie en général, à vrai dire, que faire de la philosophie, ça soit... présenter des théories de ceci et de cela. Donc un bon philosophe devrait avoir une théorie du tapioca, etc. Je ne crois pas. Je suis plutôt, à vrai dire, je suis de tradition continentale et même pire française. Et donc, spontanément, il me semble que faire de la philosophie, c'est discuter profondément en planant à 10 mètres au-dessus du sol et en sachant jamais à quel endroit on retombe sur les exemples. Bon. Donc, au nom de cette conception... de la philosophie, cette conception de la philosophie comme manière de planer, Je ne vois pas spontanément la philosophie comme ayant la charge de donner des théories des différentes rubriques de la réalité. Cependant, dans certains cas, je trouve que le théorisé remplit des fonctions critiques et clarificatrices qui me semblent importantes. Et pour moi, ces deux exemples-là sont typiques. Donc en fait, vous voyez, c'est le problème de la soupe. Quand on est vis-à-vis de la soupe, finalement, la seule sortie de la soupe, c'est peut-être la théorie. Voilà en gros mon idée. Oui, il y a le tapioca aussi. Alors je reviens maintenant à la théorie elle-même. Alors, cette théorie que je vous propose, donc c'est juste, c'est pas une théorie, c'est une théorie au sens faible, hein. C'est-à-dire que c'est pas une théorie du premier ordre avec une liste d'axiomes, écrite dans un langage du premier ordre. C'est un schéma conceptuel, hein. Il s'agit plutôt de proposer un schéma conceptuel. Alors, ici, ce schéma, historiquement, il me vient à l'idée à partir de la lecture de Sartre. Mais j'ai décidé de retirer Sartre de l'exposé, parce que ça pose plein de problèmes. Premièrement, je me suis engueulé avec les sartriens à cause de cette notion, parce que j'ai appris que c'était pas cachère de lire Sartre comme ça. Et c'était assez rigolo, parce que je l'ai appris par deux excellents sartriens, qui ont commencé par me dire que c'était pas ça qu'il fallait penser, puis finalement ils m'ont expliqué que c'était pas ça, que leur maître leur avait appris que c'était pas ça qu'il fallait penser. Alors là, je me suis tué. Parce que, justement, j'ai compris que j'étais gravement en tort, puisque j'allais contre les idées non seulement de certains interlocuteurs, mais de leur maître. Et puis de toute façon, en fait, plus sérieusement, avec Sartre, derrière cette affaire, il y a plein d'autres difficultés. Donc en réalité, de la présenter à partir de Sartre, ça complique énormément les choses. Donc finalement, je préfère présenter cette théorie du social à partir de Brouwer, ce qui est complètement paradoxal, hein. Donc Brouwer, donc c'est le mathématicien du début du XXe siècle qui a été dans ce conflit terrible avec Hilbert sur l'essence des mathématiques, conflit entre formalisme et intuitionniste. Brouwer, c'est celui qui est à l'origine de l'idée de construction que je vous ai présentée, même si chez Brouwer, elle ne se présente pas comme je l'ai présentée maintenant. Alors Brouwer était un esprit extrêmement bizarre, un très très grand mathématicien, qui a fait des contributions géantes, à la topologie algébrique notamment, le fameux théorème du point fixe de Brouwer. Toute personne qui fait des études avancées de mathématiques apprend ça. Et il avait ses idées sur les fondements. Donc il pensait que la mathématique devait être comprise comme une connaissance des constructions, connaissance intuitive des constructions. Mais en particulier, ça l'amène à prendre position vis-à-vis, alors, dans un premier temps, de la raison. Alors, dans un des articles où il expose ses idées épistémologiques qu'il oppose à Hilbert, c'est au formalisme, il évoque l'usage du mot raison. Et il dit que c'est tout à fait naturel qu'on emploie le mot raison pour désigner une espèce de faculté impersonnelle. C'est-à-dire, au fond, ce qu'on désigne sous le nom de raison, c'est un droit. Et là, on voit que Brouwer utilise le mot raison avec une inspiration kantienne, évidente. Et en certains endroits, d'ailleurs, Brouwer accorde officiellement son allégeance à Kant. En tout cas, là, c'est visible. Mais alors, il dit d'accord pour l'utilisation du mot raison, mais il n'est pas d'accord pour qu'on remplace le mot raison par le mot intellect. Alors, pourquoi il n'est pas d'accord pour qu'on dise intellect à la place de raison? C'est parce que pour lui, intellect, ça incarne la raison et au fond, ça la personnalise. Donc pour lui, le mot intellect, ça désigne quelque chose qui serait déjà une pensée ou quelque chose comme une pensée et qui en même temps envelopperait en lui la pluralité des consciences. Donc le mot intellect, pour lui, ça désigne une conscience qui est la puissance de l'universel des consciences, ou un intellect qui enveloppe en lui la pluralité des intellects. Et Brouwer rentre dans une démarche intellectuelle complètement extraordinaire, qui est de nous démontrer qu'il ne peut pas y avoir d'intellect en ce sens-là. Donc, alors, c'est assez surprenant parce que, vous voyez, il veut nous expliquer qu'il n'existe pas de conscience ayant la puissance du social, du collectif, et pour montrer que ça n'existe pas, il le démontre. Donc j'ai toujours l'impression qu'il y a une espèce de contradiction performative dans le fait qu'il s'adresse à nous sur le mode de la démonstration Est-ce que ça ne veut pas dire qu'il pense que chacune de nos consciences accompagne la sienne dans l'exercice de la démonstration? Et est-ce que le fait de démontrer vers autrui, c'est pas une façon d'adhérer à ce fameux intellect, malgré tout? Bon, lui, Brouwer ne le ressent pas du tout de cette manière-là, parce que justement, pour lui, c'est bien tout l'enjeu. Les démarches démonstratives de la mathématique sont complètement solipsistes. C'est une partie de ce que veut dire Brouwer. C'est ce qu'il y a de fou dans sa pensée. Donc, à l'intérieur de son solipsisme mathématicien, il veut nous démontrer que l'hypothèse d'un intellect qui aurait la puissance du social est absurde. Alors, comment le fait-il? Il nous dit, s'il y avait un tel intellect, ben, cet intellect devrait envelopper, pour chaque couple de sujets I et J, cet intellect devrait envelopper la conceptualisation MIJ. La conceptualisation MIJ, c'est la conceptualisation par laquelle le sujet I pense que J pense. Donc c'est la conceptualisation par laquelle moi, depuis la position I qui est la mienne, je conceptualise le fait que J est le siège d'une conceptualisation lui aussi. Donc je pense J comme pensant. Ça c'est MIJ. Mais, dit Brouwer, il faudrait aussi qu'il y ait des conceptualisations MI, JK. C'est-à-dire, c'est des conceptualisations dans lesquelles le sujet I pense que le sujet J pense que K pense. Donc chaque sujet I devrait être capable, disons, dans ce qui s'appelle l'intellect, il devrait y avoir cette pensée que I pense que J pense que K pense. Et ainsi de suite. Vous voyez bien qu'on peut tisser une suite de désignation avec une indexation organisée selon les principes que vous voyez là. On peut trouver dans notre intellect, l'intellect ayant la puissance de l'intersubjectif, il y aurait toutes ces conceptualisations, et ça c'est une régression à l'infini, et donc pour Brouwer ça démontre qu'il ne peut pas y avoir d'intellect. Alors qu'est-ce que je retiens de cet argument de Brouwer? Pas ce dont Brouwer veut me convaincre. Ce que je retiens, c'est qu'en fait, Brouwer a mis la main sur une exigence qui est une exigence pour qu'on parle de socialité. Est-ce qu'au fond, ce que négativement révèle l'argument de Brouwer, ça n'est pas que chaque fois que nous pensons la socialité, nous pensons un tissage intentionnel entre les sujets qui esquisse ce genre d'approfondissement? Est-ce que ce que nous appelons un espace social, ce n'est pas toujours un espace dans lequel il nous semble que de droit s'esquissent ces approfondissements récursifs qui tissent des instances toujours plus compliquées, des postures intentionnelles à l'intérieur de l'espace intersubjectif toujours plus compliquées? Donc voilà l'hypothèse, et c'est ça la théorie conceptuelle du social que je propose. Alors après, ce qui vient, c'est je retrouve ce modèle chez plusieurs auteurs. Comme je vous l'ai dit, je l'ai trouvé chez Sartre, je le trouve chez Husserl. Je vais juste vous évoquer Kripke et Levinas. Kripke, il y a un livre de Kripke qui, moi, a été un des plus grands émerveillements philosophiques de ma vie. Je me souviens d'avoir lu au bord d'une piscine et j'étais dans tous mes états. Et qui est Wittgenstein on Rules and Private Language, qui est un livre de commentaires, en fait. Kripke commente Wittgenstein. Pourquoi ? La théorie selon laquelle tous les livres de philosophie analytique sont des traitements novateurs d'un problème et jamais des commentaires de la philosophie préécrite, voilà un contre-argument. Le livre en question de Kripke, c'est un des plus grands livres de la philosophie analytique contemporaine, et c'est entièrement un commentaire. Bon. Dans ce livre, Kripke reprend le problème de la règle de portée infinie, qu'il prend chez Wittgenstein, mais il le reformule. Et ce qui fait que maintenant, souvent, l'argument Wittgensteinien, on le nomme l'argument de Kripke-Gunstein, parce qu'on estime qu'il est impossible de recevoir cet argument en oubliant la reformulation kripkéenne. Donc même si Kripke nous dit que c'est Wittgenstein, pour nous c'est Kripke-Gunstein. Bon. Donc cet argument sur la règle de portée infinie consiste à dire que on ne peut jamais être sûr, quand on a affaire à une règle de portée infinie, c'est-à-dire une règle qui réclame son application dans une liste indéfinie de cas. C'est-à-dire que c'est une règle que nous avons à appliquer dans une série illimitée de circonstances. L'exemple que prend, sur lequel Kripke construit son exposé, c'est la règle d'addition. apprendre la règle d'addition, c'est être capable d'additionner n'importe quelle paire de nombres entiers, et des paires de nombres entiers, on peut m'en présenter une liste illimitée. Donc Kripke dit, chaque fois qu'on a une... Et bon, et Kripke observe, et ça aussi, il pense le trouver chez Wittgenstein, que savoir utiliser un nom commun de la langue naturelle, c'est appliquer une règle de portée infinie. Savoir utiliser le nom commun table, c'est savoir appliquer, attribuer, utiliser correctement le mot table devant une série d'objets, et il n'y a pas de limite au nombre d'objets que je vais rencontrer et que je serai susceptible d'appeler ou de ne pas appeler table. Donc comprendre la signification d'un nom commun, c'est pareil, c'est acquérir le contrôle, la maîtrise d'une règle de portée infinie. Et ce que soutient Kripke après Wittgenstein, c'est que on ne peut pas avoir un critère intime parfait. On ne peut pas trouver en soi une espèce de mesure parfaite qui garantisse notre application de la règle. Je ne vais pas reprendre l'argument. Apprenez-le. Lisez-le. Lisez soit le livre de Kripke, soit vite. Voilà, il y a des étages. Le plus difficile, c'est lire les recherches philosophiques et comprendre l'idée à partir de Wittgenstein. Un peu moins difficile, lire l'exposé de Kripke. Encore plus simple, mon exposé dans Sens et philosophie du sens, il y a 3 pages, c'est très clairement expliqué. Finalement, la conclusion de Kripke, c'est ça, c'est qu'on ne peut jamais être sûr de manière intime qu'on applique la règle, c'est-à-dire qu'on ne peut pas exhiber un critère fini qui garantisse qu'on applique exactement la règle qu'on voulait originairement appliquer. On ne peut pas trouver une espèce de baptême ou d'institution de la règle où elle nous soit donnée de façon parfaite et finie, et qu'il suffise de se remémorer ce baptême pour l'appliquer correctement dans chaque cas. Donc, solution sceptique du paradoxe de l'application de la règle de portée infinie, selon Kripke, il dit, on applique de façon aveugle. Mais il précise ce qu'il appelle appliquer de façon aveugle. Il dit que chaque sujet... Alors, il y a des opérateurs. Par exemple, il va y avoir un opérateur O et J, qui est que le sujet I applique la règle en ayant l'intention d'appliquer la règle comme J l'applique. Donc un sujet I applique la règle, il n'a pas de référence à un critère, mais il pense imiter l'observance de J. I observe la règle en s'appuyant sur l'observance de la règle par J. Mais vous voyez bien que vous pouvez tout de suite rentrer dans les mêmes complications. Vous avez O, indice I, JK, c'est I essaye d'appliquer la règle en ayant l'intention d'appliquer la règle comme il voit J l'appliquer en se réclamant de K, en suivant K, et ainsi de suite. Donc chez Kripke, vous voyez bien que c'est ce qu'il sait. On peut compliquer en rajoutant des opérateurs qui sont des opérateurs de jugement et pas des opérateurs pratiques. C'est pas très important, je veux juste donner une idée. Donc vous voyez aussi, c'est ce qu'il sait chez Kripke, une communauté de l'application de la règle, donc communauté de l'usage du mot table. J'applique le mot table en ayant l'intention de l'appliquer comme mon père. Ou une personne qui m'a vu souvent appliquer le mot table et qui est un peu incertaine va se modeler sur moi, moi-même me modelant sur mon père, et ainsi de suite. Donc ça, c'est pour l'application du mot table. Idem pour les opérations comme l'addition. Donc ce que conçoit Kripke, c'est que ce qui va s'appeler forme de vie dans le lexique Wittgensteinien, Kripke ne le décrit pas avec ce langage, avec le mot vie, qui est un mot lourd. Kripke décrit juste, il esquisse la description d'une communauté de gens qui s'appuient les uns sur les autres. Mais ils s'appuient les uns sur les autres de manière enchevêtrée. Il y a un approfondissement illimité de la référence de chacun à chaque autre dans l'application de la règle. Et vous retrouvez la même forme. Et troisième exemple, c'est, je le prends chez Lévinas, c'est, vous trouvez cet exemple dans le recueil L'au-delà du verset, donc qui est un des recueils de lecture talmudique de Lévinas. Il y en a une qui s'appelle Le Pacte, c'est aux pages 87-106, et le cœur de l'affaire est aux pages 104-106. Et là, ce que Lévinas commente un passage du Talmud qui raconte la donation de la loi aux Hébreux, mais enfin, du coup, c'est les Juifs, puisqu'ils reçoivent la loi. Ce que dit le Talmud, c'est que le nombre d'actes de donation de la loi est énorme. On trouve des nombres explicites dans le Talmud, mais des nombres immenses, 100 000, 200 000, etc. Alors que le même texte dit que le nombre d'individus concernés, c'est-à-dire tous ceux qui sont au pied du Sinaï, au moment où Moïse revient avec son gros truc en pierre, vous avez vu le film, hein, eh bien, donc, ils sont dans un nombre limité, ils sont, je sais pas, 500. Et le nombre d'actes de donation de la loi, il est présenté comme beaucoup plus grand que le nombre d'individus. Alors il faut interpréter ça. Alors, l'interprétation que propose Lévinas, mais qui est tirée des docteurs, c'est que, en fait, on conçoit la donation de la loi au Sinaï comme étant donnée à un cercle. C'est-à-dire que vous avez un cercle où vous avez tous les Juifs qui reçoivent la loi, qui sont tous sur ce cercle. Et donc, je représente les Juifs I, J et K. Et chacun a une certaine position sur ce cercle, mais chacun voit tous les autres. Et chacun reçoit la loi. Et donc, recevoir la loi, c'est la recevoir comme s'appliquant à lui. Donc, chacun prend la responsabilité de la loi, c'est-à-dire assume le fait que désormais son comportement sera jugé d'après cette loi. C'est-à-dire, ce qu'il fera dans le futur sera jugé bien si c'est conforme à la loi, mal si c'est pas conforme à la loi. Donc, c'est ça qu'on appelle prendre la responsabilité de la loi. Donc, chacun, le juif I, il prend une responsabilité RI. Il prend la responsabilité de la loi. Le juif J prend la responsabilité RJ. C'est le juif J prenant la responsabilité de la loi. Mais maintenant, comme ils sont les uns en face des autres, le juif I voit le juif J prendre la responsabilité RJ. Et comme cette affaire est une affaire solidaire et collective, eh bien, le juif I prend en responsabilité la prise de responsabilité de J. Donc on introduit une responsabilité RIJ, qui est la façon dont le juif I assume la responsabilité de l'observance de J. C'est-à-dire que ça lui incombe que J ne transgresse pas. C'est aussi sa charge. Mais vous pouvez aggraver, vous avez RIJK, c'est le juif I qui assume la responsabilité de J prenant la responsabilité de K. Et ainsi de suite. Bon, j'ai donné trois exemples pour qu'ils soient un peu spectaculaires et différents. Hein. Je vous rappelle que au début c'est Sartre, bon, ce serait été très intéressant de parler Sartre, puisque vous avez la sérialité et le groupe en fusion, bon, qui se lisent tous les deux selon ce modèle. Mais l'idée, c'est que ce qui serait le critère du social, ce qui serait l'attestation du social, ce serait ce type de réseau d'approfondissement. Alors, premièrement, ce n'est pas une vraie théorie phénoménologique de l'action, parce que dans chaque cas, je présuppose la multiplicité des sujets comme données. Pour avoir ces réseaux, je ne fais pas que... lui, Brouwer, il essayait de voir ça comme enveloppé dans une seule conscience. Brouwer, il a une approche un peu husserlienne. C'est dans une monade qu'il essayait de développer les MIJ, MIJK. Mais les exemples qui sont pertinents pour moi, ceux de Kripke, de Lévinas... Brouwer, c'était le modèle formel. Disons les exemples de Kripke et Lévinas qui sont plus pertinents. C'est des exemples où la collectivité des agents concernés, elle est donnée. Et donc, ce qui se produit, c'est qu'il y a un mode intentionnel qui circule entre ces agents, c'est-à-dire des façons pour les agents de se viser les uns les autres, qui donne lieu à un approfondissement récursif. Et donc, l'idée est que c'est pas une définition phénoménologique puisqu'elle part de la donnée actuelle, ontologique donc, de la collectivité des personnes concernées, mais elle est phénoménologique parce que malgré tout, cette collectivité étant donnée, l'attestation du social, elle est dans l'approfondissement intentionnel. Et cet approfondissement, il n'y a que, en fait, dans les consciences ou dans les expériences qu'on peut l'éprouver. Alors après, reste à savoir si ces approfondissements... est-ce qu'il faut qu'ils aient vraiment lieu psychologiquement, ou est-ce que l'important c'est simplement qu'ils soient pour ainsi dire programmés, ces approfondissements intentionnels? C'est une question qu'on peut poser. En tout cas, ça constitue une sorte de théorie du social. À cette théorie, j'ajouterai quelque chose, c'est qu'il faut que le mode intentionnel en question, il soit important par rapport à notre idée de l'humanité. C'est-à-dire, si vous prenez un mode intentionnel trop plat, simplement perceptif, par exemple, ça ne vous donne pas une socialité. Dans les exemples qu'on a considérés, cette condition est donnée. Chez Brouwer ou chez Husserl, que je n'ai pas évoqué, la cellule intentionnelle à partir de laquelle s'engendre cet approfondissement récursif du social, c'est « je pense que l'autre pense ». Le fait que je conceptualise les autres comme conceptualisants, c'est évidemment une dimension de l'interhumanité et de l'humanité importante. Dans le cas de Kripke, c'est pareil. L'application ensemble d'une règle, par exemple, le fait qu'on soit capable collectivement d'utiliser le mot table, donc qu'on partage le langage, disons, c'est une dimension de l'humanité évidemment importante. Et dans le cas évinacien, c'est la définition même de la collectivité qu'il décrit. C'est la chose la plus importante pour cette collectivité. Donc voilà. Bon, bah, cette fois-ci, j'ai terminé. Excusez-moi. C'était un exposé très très riche. Moi j'ai déjà quelques questions, mais peut-être qu'on peut tout de suite donner la parole à la salle. Si vous êtes là. Je voudrais te poser une question uniquement sur ta première partie. Parce qu'il y a quelque chose qui m'a rendu vraiment un peu perplexe. Je voudrais que tu m'éclaircisses. C'est finalement l'usage que tu fais de sujet et de subjectivité dans cette définition d'action et le présupposé que tu as dit partagé par la plupart des doctrines sur l'action était humaine. Alors, ce qui m'ennuie, puisque je suis peut-être plus aristotélicienne que toi, bien que tu te sois la semaine dernière revendiquée comme aristotélicien brognon, c'est que, en fait, tu as utilisé le terme de suppos comme si s'agissait d'un suppos humain, si j'ai bien compris. Alors que ça nous vient tout de même pas de Klosowski, mais des médiévaux, actiones sunt suppositorum. Et ces suppos, c'est tout de même l'hypokaïmenon d'Aristote. Or, à partir du moment où un hypokaïmenon peut être mis en position de sujet dans un énoncé, il n'est pas nécessairement humain, mais il faut qu'il puisse être en position d'agir. Alors, en fait, toute ma perplexité, la question que je t'adresse, c'est pourquoi restreins-tu à l'humain cette catégorie de l'agir, qui se trouve chez Aristote, tout de même répartie chez des tas d'autres êtres agissants, et notamment les êtres de la nature. Oui, bah, et je ne sais pas comment répondre à ça. C'est-à-dire qu'il y a deux aspects de ma réponse. D'une part, j'ai l'impression que ce dont je suis parti, la réductio ad actionem et la réductio ad socium ou ad societatem, ça concerne le champ humain. C'est-à-dire ce vis-à-vis de quoi on veut tenter et réussir l'opération de la réduction aux pratiques ou à l'action, c'est toujours des choses du plan humain. Donc il y a une affaire spécifique là. Donc il me semblait que je ne sortais pas du cadre en me situant dans ce cadre-là. Alors, un deuxième aspect des choses, c'est que, à certains égards, à un certain niveau intellectuel des choses, ça ne me gêne pas qu'on utilise ces modèles de façon plus générale. À vrai dire. Tu vois bien que pour l'acte de langage et pour la construction mathématique, on va rencontrer quand même des difficultés. Bien que j'ai lu l'article de Chris Herzfeld sur le chimpanzé mathématisant topologue du jardin des plantes, je pense quand même que, pour être sûr que je partage avec lui la construction de P implique Q et non R, il y a encore du chemin à faire. Ça nous amènerait à... parce que c'est ça, pour moi, la... c'est une manière de répondre, c'est de regarder les modèles et voir dans quelle mesure je peux les étendre. Mais à ce moment-là, il me semble que peut-être c'est dans le cas du modèle du coût que j'aurai la meilleure chance. Mais ça m'est pas naturel, moi, de dire qu'un animal donne un coup à un autre. Peut-être que toi, ça t'est naturel, mais en dépit d'Aristote, si tu veux. Moi, j'ai l'impression que l'universalité de l'agir chez lui, c'est autre chose. C'est l'esquisse de la théorisation physique, justement. Aristote est à l'origine de la physique, c'est vrai. Donc, chez lui, il y a l'esquisse de la théorisation de la physique. Moi, je suis d'accord avec Constance dans cette direction-là. Et on arrive au Larangien. D'accord. Mais on a besoin d'une autre notion. Alors, ça me paraît clair. Dans notre usage de la perception des actions, on a besoin d'une autre notion. Alors, moi, notre perception des actions segmentées au sens où je le dis, bon, la seule extension éventuelle, ce serait au règne animal, il me semble, dans le cas du coup. Parce que l'application qualitative, hein, où c'est avoir une idée, avec le modèle de Tom Zeman, bon, c'est plus compliqué. Bon, enfin, pourquoi pas, mais bon, c'est subordonné à des développements des sciences cognitives. Toi, ça devient des problèmes simplement empiriques. Hein, mais je ne vois pas l'enjeu de... À quoi ça correspond, penser l'action comme pas n'importe quoi, comme segmentation, comme quelque chose, j'ai sauté ça. Hein. C'est ni un processus, ni un événement. Dans la philosophie analytique contemporaine, vous avez beaucoup de gens qui disent les actions, c'est une sous-classe des événements. Donc, et dans l'ontologie post-aristotélicienne analytique contemporaine, par exemple celle de Barry Smith, il y a l'idée qu'il y a deux grandes catégories, les continuants et les occurrents. Les continuants, c'est les choses qui perdurent dans le temps, c'est vous et moi ou les objets, comme ça. Et les occurrents, c'est les choses qui ont le temps dans leur identité. Et ils distinguent parmi les occurrents les processus et les événements. Ben, une action, comme impulsion résultative, c'est ni un processus ni un événement. Puisque ça a des propriétés de borne, donc ça serait un peu ponctuel. C'est partiellement ponctuel comme événement, et c'est partiellement continu comme le processus. Bon, donc voilà, quel est l'intérêt? Moi, je ne comprends pas à quoi ça vise de penser, d'envisager cette notion-là en dehors du plan humain. Mais si tu peux me présenter des développements intéressants de ça, moi, je serais tout de suite charmé. La question, pourquoi on la restreint d'emblée l'acteur réseau aux agents, c'est quoi, humains? Voilà le problème. c'est toute la théorie, justement, de la Cour et de ses camarades de l'année 70. C'est toute la théorie de l'acteur réseau, c'est d'étendre la notion d'action à des non-humains. Oui, mais est-ce que c'est de l'action? C'est hyper opératoire. Oui, mais est-ce que c'est de l'action au sens où je le prends? Segmentation. C'est là où ça devient intéressant. Mais oui, c'est certainement pas, en tout cas, du lagrangien. Il s'agit justement d'attribuer, même à certains égards d'ailleurs, une forme de subjectivité à des non-humains. Et quel est l'intérêt de faire ça? Eh ben, en fait, il y en a plein, des intérêts. Les intérêts empiriques, de plus descriptifs, en fait. Comment? Non, ce qui m'intéresse le plus, c'est de savoir si... Parce que moi, je ne connais pas ces stratégies, mais telles que je les imagine, généralement, ça exprimera juste une espèce d'affirmation ontologique générale, comme quoi tout bouge dans l'interconnexion. Et c'est pas. Or, parler d'action, ce que je soutiens, c'est que parler d'action, c'est tout à fait autre chose. C'est présenter de manière fondée une segmentation. Alors, le réseau, par exemple, c'est dans Macherey, le réseau, tu vois. Mais ça, il a un sens, disons, qui est plus, je dirais, tu l'as dit, c'est au fond, le texte de Macherey, c'est une sorte de nouvelle thèse sur Feuerbach. C'est les 11 thèses sur Feuerbach de Pierre Macherey, en fait. C'est une réécriture du texte de Marx, en fait. Je ne sais pas, non, mais je repose la question, est-ce que dans cette conception latourienne... Eh bien, la cafetière, pourquoi tu ne dirais pas que la cafetière fait du café, c'est une action que fait la cafetière? Oui, mais tu vois, c'est pas argumenté au niveau de la segmentation. Ben si, justement, c'est-à-dire que tu peux très bien reprendre les catégories que tu proposes, impulsion, résultative, la constitution effectivement d'un suppôt, dans l'action même, précisément dans l'action même, car la cafetière n'existe comme cafetière que parce que précisément elle fait le café, quoi, elle a une action, etc. Ce que ça permet de faire, encore une fois, ça permet de repenser à un grand nombre de problèmes différemment, hein, le rapport aux techniques, le rapport aux sciences, le rapport social, etc. Donc ça a des effets empiriques très importants. Mais je trouve effectivement qu'il n'y a pas de raison. Alors, le problème philosophique, c'est est-ce que en limitant implicitement ton modèle de l'action à des formes d'action humaine, tu n'introduis pas en fait en douce quelque chose que tu n'explicites pas, qui est en réalité quelque chose dont tu dois rendre compte, qui est précisément au fond une certaine notion de subjectivité, qui serait en fait parce que quelle est la différence fondamentale entre la cafetière qui agit et moi qui passe le balai, sinon un truc extrêmement non explicité justement dont tu voulais faire le résultat de ta, c'est-à-dire quelque chose de l'ordre de l'intentionnalité, comme dirait la mère en ce moment, et dont tu n'as pas du tout parlé, toi, pour le coup. Non. Tu as mis entre parenthèses cette affaire justement, Donc du coup, c'est pour ça que je trouve la question parfaitement légitime. C'est-à-dire, est-ce que ton modèle semble faire l'économie de ça? Bon, moi j'ai essayé de suivre le fil de l'exemple de la cafetière, et bon, je comprends, donc ce que je trouve, ça c'est un peu ce que j'imaginais, c'est-à-dire qu'on va se concentrer sur le premier modèle, celui du coût. Alors est-ce que le modèle, est-ce que la cafetière, moi j'ai deux questions, c'est est-ce que la cafetière c'est un analogue du coût et du coût franc Platini, d'une part. Et d'autre part, est-ce que quand on a une pensée du réseau, est-ce que ça supporte la mise en réseau? Tu vois, si tu prends la cafetière comme le vrai équivalent du coup franc de Platini, est-ce que ça reste pertinent de mettre en réseau? J'ai l'impression que les deux gestes ne sont pas compatibles. Et bon, et c'est pour ça que de loin, j'ai la plus grande suspicion à l'égard de ces démarches. Après, discuter plus précisément de la pertinence vis-à-vis de la cafetière, bon, tout tient dans l'idée d'impulsion, quoi. Même si tu prends modèle physique. Parce que impulsion et résultat sont en dehors, quoi. C'est toi qui le dis. Bah, c'est pas nécessaire. On ne sait pas le dire autrement. Mais tu vas dire comment, parce que... Je mets la capsule et je recueille le café. Oui, mais ça veut dire que quand moi je commence à passer le balai, alors l'impulsion est en dedans. Ça veut dire quoi exactement? Ben non, mais elle est liée à un suppôt, justement. C'est l'impulsion d'un suppôt. C'est la même chose. C'est-à-dire que la cafetière, tu ne peux pas en rendre compte comme cafetière, son originalité ontologique, quoi, comme cafetière. Tu ne peux pas du tout en rendre compte en te contentant d'une somme de processus physiques. À ça qu'elle est. Elle est effectivement un agent intervenant qui a son unité, on va dire, active. Mon problème, c'est est-ce que c'est son impulsion et son résultat? Et c'est là où je dis le son. Oui, non, mais c'est parce que... C'est bien... Comment dire? Il n'y a pas de contrebande, puisque je dis que c'est ça dont je vais m'occuper. Du mot action, on a un langage de l'action où c'est de ça qu'il s'agit. Où il s'agit des actions où un suppôt s'implique et se rassemble. Quand on parle de l'érosion, par exemple, c'est l'érosion naturelle, on va dire que ça agit, qu'il y a éléments agissent sur la Terre. Il y a de l'agir. Il y a le lagrangien. Alors tu diras, comme tu t'appuies sur le langage ordinaire dit que les éléments agissent. Que les tempêtes agissent, que ça change la face du monde, que ça change les... Mais bien sûr, mais moi, il me semble, si tu veux, qu'on a un langage de l'agir qui est peut-être distribué de manière très indifférenciée entre les cas, hein, mais après, on a une construction théorique de l'agir impersonnel de la matière, qui est la physique. Bon. Moi, j'ai essayé de faire une construction théorique de l'agir suppotique. Maintenant, ce que vous pouvez imaginer, c'est qu'il y a une construction théorique à faire pour une troisième catégorie qui serait intermédiaire. Mais ça, bon, ça invalide pas l'autre projet. Et ce que je vois bien, d'après les exemples que vous mettez en avant, c'est que l'intersection entre mon projet et l'éventuel projet intermédiaire que vous évoquez, ce serait ce que j'ai appelé le modèle de l'actualisation physique. Et donc, en fait, moi, ce que j'ai entendu dans ce que vous évoquez, c'est deux choses. Premièrement, généralisation du modèle de l'actualisation physique à des agentivités objectales, et donc là ça veut dire que l'impulsion et le résultat vont leur être attribués autrement, mettons que je ne dise pas que j'entre pas dans les détails de cet autrement, mais ça leur est attribué autrement, donc le suppôt n'est plus le suppôt dans le même sens, bon. Et ça c'est un premier moment, et deuxièmement après on va envisager tout ça dans des réseaux. Bon, est-ce que tout ça, ça fait une espèce... Bon, je sais pas, c'est peut-être très bien. Hein. Je suis en train d'essayer de le comprendre. Olivier, une question. Ouais, j'avais une question, en fait. En confondant peut-être un tout petit peu les deux réductions, c'est la réduction actionnelle et la réduction sociétale. Et puis, les prenant ensemble pour questionner un peu le geste qui est celui de Macheret, qui semble, pour vous, à l'instancier... quelque chose comme une ontologie sociale processualiste, un petit peu sous-déterminée du côté des formalismes. Quoi. Peut-être que la sixième thèse qu'on pourrait avoir, comme vous disiez, ça a été dit tout à l'heure, est une motivation comme une autre pour s'engager dans ce genre de théorie, c'est-à-dire une théorie processualiste du social ou de l'action. Est-ce que ça ne fonctionnerait pas davantage si, les gens qui font ce type de théorie avaient un appareillage formel pour justifier ces propositions très généralisées? Est-ce qu'on n'échapperait pas à la soupe, par exemple, dans le cas de Macherey, on peut imaginer quelque chose sur le mot spinoziste, pour la méthode géométrique, ça ne fonctionne pas? Est-ce qu'on a quelque chose qui est de l'ordre d'un système d'activité qui est externe aux logiques de l'affectivité, si on peut parler de l'ontologie sociale qui est liée aux questions d'affectivité chez Spinoza? On se dit que ça marche davantage si on supplémente ces ontologies, ces théories processualistes du social et de l'action, avec des outils qu'on trouverait peut-être chez Whitehead, avec l'érologie, l'érotopologie, etc. Donc si, la question en fait c'est ça, est-ce qu'on sort de la soupe de l'ontologie sociale ou de l'ontologie de l'action processualiste à partir du moment où on a un système formel qui catégorise des types d'interaction, des types d'action, l'érologie, l'ontologie par exemple? Ça, ce serait une première question. Une deuxième question. C'est comme vous voulez, au fond. Mais ça fait plus travailler ma mémoire si vous faites la deuxième question, mais je dois pouvoir y arriver. Et la deuxième, en fait, je voulais savoir si vous pouviez définir un tout petit peu plus cette liaison de l'évolution de la communauté et de l'approfondissement intentionnel au sein de la communauté. Je ne suis pas sûr d'avoir. Alors, sur la première question, je pense que c'est pas ça le problème, que c'est pas le fait que je trouve que ça soit sous-outillé, que c'est pas de la modélisation, qu'il n'y a pas des schémas formels derrière. D'abord parce qu'en général, je suis pas amoureux des schémas formels. Enfin, je veux dire, si, mais autrement. C'est parce que moi, je pense que moi, ce qui me frappe, c'est que dans ces discours, je l'ai peut-être pas suffisamment fait sentir, mais que ces discours qui invoquent l'action et le pratique ne s'intéressent pas aux actions. En fait, ce qu'on veut, c'est présenter tout un monde qui vibre dans la transformation, et on veut célébrer ce qu'il y a d'absolu dans les transformations qui peuvent nous entraîner à du tout autre. On veut célébrer le fait que les personnalités plongent dans ces transformations, sont emportées par elles, et on reconnaître des actions en bonne et due forme, constater qu'il n'y a pas simplement des trains, des stylos et des concepts et des théorèmes, mais qu'il y a aussi des actions, ça n'intéresse pas les gens qui font ce genre de discours. Et au fond, là, je suis d'accord avec Patrice, c'est vrai que ça commence avec les thèses sur Feuerbach, c'est vrai. Marx voulait pas, il n'était pas intéressé, à mon avis, par ce qu'est une action, ce qui mérite le nom d'action. C'était pas ça, c'était pas sa problématique. Donc moi, je voulais réintroduire la problématique de ce qui mérite le nom d'action. Et c'est pour décrocher par rapport à ces discours qui sont surtout des discours de célébration de comme ça vibre et ça bouge. Et célébration des autotamponneuses, vous voyez, bon. Autre métaphore que celle de la soupe. C'était pour décrocher d'avec ça que je propose l'austérité du modèle. Bon. Parce que le modèle, il élabore bien, de façon un petit peu dure, des conditions de reconnaissance. Maintenant, la deuxième question, l'approfondissement, oui, j'ai pas été assez long là-dessus. Je pense que ce qui est le symptôme même du fait qu'on est dans une situation sociale, c'est qu'on a l'impression que n'importe lequel des approfondissements intentionnels que j'ai évoqués, il est requis, il est pertinent, disons au moins. Je prends un exemple, mettons, vous allez trouver que ça va être un peu pour côté professeur Unrat, vieil obsédé sexuel, mais si on prend les premières communautés adolescentes où on discute des relations amoureuses, et donc c'est quand même une transformation avec l'époque juste avant où le jeu de billes est un objet suffisant, quoi. Pour la vie commune, bon, on se met à discuter des relations amoureuses. Quand on se met à discuter des relations amoureuses, il est pertinent de savoir si Paul ressent quelque chose pour Gertrude, mais il est pertinent de savoir si Aglaé a perçu que Paul était tourné vers Gertrude, et ainsi de suite. Et aucune de ces étapes n'est inimportante. Et on se sent brusquement dans un truc, dans une socialité. Et cette socialité, son symptôme même, c'est que chacun de ces chaînons est pertinent, même si on ne va pas très loin. La plupart des sauf dans des communautés un peu barjots, mais qui sont peut-être celles que nous connaissons mieux, les autres, pour des raisons professionnelles. Mais normalement, on ne va pas trop loin. Donc, voilà, mon idée, c'est que on se retrouve dans du social avec toute l'épaisseur et la richesse. Parce que c'est vrai, l'idée du social, c'est que il y a un infini du personnel, bien sûr, on le sait bien. Mais avec le social, on découvre un autre infini. Et c'est quoi cet autre infini? Pour moi, c'est l'horizon de ces approfondissements, justement. C'est le prototype de cet autre infini auquel on accède avec le social. Donc c'est pour ça que... Alors bon, moi, je le représente de manière récursive. Je veux dire, en prenant l'exemple que ça commence comme ça. Daphné. Du coup, moi, j'ai une question qui est peut-être un peu de l'autre côté, en fait, par rapport à cette question d'une action non humaine, qui serait la question de l'action humaine, mais disons prescrite, celle qui s'inscrit dans le cadre du social, justement, un peu sur le modèle de ce que vous avez dit avec Kripke, qui est une sorte de communauté de la réalisation de l'action, où, je suis désolée, où en fait, finalement, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de déconnexion qui s'opère entre la phase impulsion-résultat et la phase comportement dedans, qui n'est pas de dire qu'on n'a plus les deux, mais que les deux sont plus deux phases d'une même médaille, mais apparaissent finalement comme étant impulsion-résultat et de l'ordre de la règle à laquelle on n'a pas accès, et donc qu'on réalise un peu par, comme vous l'avez décrit sur la règle de l'usage de la langue, et que par contre ça va engendrer des comportements, c'est-à-dire effectivement un agent qui va se rassembler dans cette action. Et du coup, je me demandais, est-ce que ces actions prescrites, enfin les actions un peu sociales, ou enfin en ce qui me concerne les actions rituelles, est-ce que vous pensez qu'il faut les... enfin qu'elles ne correspondent pas à votre définition de l'action et qu'il faut les exclure de votre modèle? Ou bien est-ce que vous pensez que ça peut permettre d'avoir peut-être une complexification ou un changement de... D'accord, donc c'est le problème de l'action rituelle, et en fait, au cours de votre question, au début, vous avez envisagé le problème de l'action rituelle par rapport au modèle du social, et à la fin, par rapport au modèle de l'action. Oui, parce qu'il me semble que ça lie un peu les deux, en fait. On peut... alors, moi, je connais pas bien, hein, mais j'ai l'impression que... Bon, moi, je suis en train de lire un bouquin de Enaf. C'est sur quoi? C'est sur... C'est sur le sacrifice, la dette et la vérité. J'ai oublié le titre. Le prix de la vérité. C'est peut-être ça. Ça doit être ça, oui. Tu as raison. Et donc, il parle des rites, essentiellement des rites de dons et de sacrifices. Et l'impression que j'ai eue en le lisant, c'est qu'il ne s'intéressait pas à l'action non plus. Que, tout à fait autrement que Macheret. Mais qu'il ne s'agissait pas d'action. Est-ce qu'il s'agit... Alors, donc, bon, voilà, c'est juste un sentiment. Après, il faudrait... Peut-être que quelqu'un qui regarderait de plus près pourrait dire des choses plus pertinentes là-dessus. Est-ce que ce qui s'appelle un rite, c'est de façon importante une action par rapport... Soit par rapport à un des modèles que j'ai proposé, soit par rapport à d'autres. Il y a un truc que j'ai oublié de dire, c'est que dans mon idée, à partir de la définition générale, on pourrait envisager d'autres illustrations que mes trois modèles. Donc ça, je ne sais pas. Mais je vous dis juste, ma seule réponse, c'est ce feeling en lisant Enaf. Deuxièmement, est-ce que c'est éclairant d'envisager le rite comme un mode de réalisation du social au sens où je le définis? Ben, pareil, dans Enaf, j'ai l'impression que l'approfondissement récursif, il n'en est jamais question dans cette théorie du rite. Que la description des communautés humaines en termes de rites ne semble pas tourner. Elle est plus proche des trucs à la Bloomer. On vise ensemble les mêmes choses de la même façon que de ce modèle où le social est fondé sur une intentionnalité interhumaine. J'ai pas l'impression qu'il y a une intentionnalité interhumaine. Et à l'occasion, pour vous répondre, j'insiste sur le fait que dans mon modèle du social, il n'y a pas d'action. Ce qui s'approfondit, c'est un mode intentionnel. Sauf à considérer que l'intentionnalité est un cadre d'action. Ce qu'avait dire toute la tradition phénoménologique a fait. Bon. Moi, j'avais aussi. Je brûle de poser des questions, mais peut-être qu'il y a des gens qui veulent profiter des. Il reste 3 minutes. Oui. Est-ce que je peux exploiter votre présence encore un petit peu? Ça me paraît la règle. Alors. très rapidement. En fait, moi, j'entends dans votre exposé une mise en garde tout à fait légitime contre ce que vous avez appelé assez éloquemment la soupe actionnelle. Je crois qu'effectivement, c'est un danger très grand à partir du moment où on s'installe dans cette idée que l'être, un des noms de l'être, comme vous l'avez dit, pourrait être cet agir qui est partout. Et Patrice a, à juste titre, je pense, parlé de la théorie de l'acteur réseau dans laquelle la tour s'est illustrée, avec Calon dans laquelle il a travaillé, pour qu'il y ait une tentative, en fait, de voir cet agir partout. Et je crois qu'en fait, la mise en garde que vous faites, c'est précisément, et là je pars un petit peu sous le contrôle de Patrice qui pourra me corriger si je dis des âneries, mais je crois que le travail que fait maintenant la tour est précisément pour essayer de combler cet écueil de la soupe actionnelle qui consiste en fait à unifier, à complètement faire s'effondrer toutes les régimes d'hétérogénéité qu'il y a dans cet agir. Et en termes de formalisme, je pense que dans l'enquête sur les modes d'existence, vous serez complètement satisfait, puisque du formalisme, il y en a, mais je pense que, en fait, pour quitter un petit peu cette question, cette proposition qui est celle de Latour, je crois que, en fait, vous avez dit à un moment que la théorie était une des façons de, parfois, d'éviter l'écueil de la soupe actionnelle. Mais je crois que, et c'est vrai que ce séminaire est un lieu important, je pense, pour réfléchir à ces questions-là. Il y a aussi, on peut aussi jouer la carte du pluralisme. Il y a aussi une certaine carte du pluralisme qui peut être jouée en disant, en fait, il y a de l'agir partout, mais peu importe en fait la question, peu importe le nom qu'on donne à ce grand agir ou ces multiples façons d'exister. Ce qui est intéressant, c'est de capter des différents modes d'agir et des différents modes d'agir ou d'exister. Et donc, du coup, il y a une question quand même là-dedans. La question, c'est qu'est-ce que vous pensez de cette carte-là, la carte de réintroduire une forme de pluralisme, le pluralisme des pratiques. Et on touche en fait un débat qui était celui de la première séance, de la toute première séance. Faut-il abandonner ou non la notion de pratique? Bon, en fait, on se rend compte que c'est un peu un faux débat du moment que ni l'autre des intervenants de la première séance n'avait des actions dans la notion de pratique, et on se rend compte qu'on peut l'abandonner. Ce qui est important, c'est plutôt de savoir quelle forme d'hétérogénéité on va réintroduire une fois qu'on aura gardé ou abandonné cette notion de pratique. Voilà. Oui, moi je suis radicalement d'accord avec cette idée du pluralisme, mais je pense que l'important pour ce pluralisme, c'est d'avoir un pluralisme pas seulement en bas, mais en haut. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai esquissé l'idée que on a une notion de l'agir qui, dans l'emploi de la langue ordinaire, est extraordinairement enveloppante. On a une construction, la construction du concept d'action en physique, c'est quand même quelque chose qui compartimente extraordinairement par rapport à cet emploi de la langue ordinaire. Donc je vous ai dit, j'ai essayé de faire quelque chose d'analogue pour l'action humaine. Et je suis tout à fait prêt à supposer que des idées qui sont un peu des idées à la Simondon, comme quoi il y a un troisième ordre entre les deux. Il y a beaucoup de gens qui ont essayé de penser ça, en fait. Le structuralisme essaie de penser ça aussi. Il y a plein de tentatives historiques de définir un troisième ordre. C'est intéressant parce que, justement, s'il y a un troisième ordre, on a une pluralité et une hétérogénéité au niveau des catégories les plus hautes. Donc, ce à quoi je résiste, c'est fusionner les trois. À ce moment-là, on aurait de l'hétérogénéité, de la multiplicité, mais juste au niveau des instances. Et ça compte pas. Il faut bien comprendre que toujours, l'hétérogène qui est bon, qui nous rend meilleur, qui nous rend intelligent, c'est l'hétérogène catégoriel. Quand on a juste l'hétérogène des cas concrets, des cas existentiels, des cas singuliers, c'est pas grand-chose comme hétérogène. C'est pas suffisant. Donc voilà, ça c'était le premier point. Deuxièmement, je voulais juste ajouter une petite illustration liée à votre question qui est sur ce que j'ai. Parce qu'il y a un mouvement en faveur de réintroduire les pratiques, ramener aux pratiques en philosophie des sciences. Moi, j'y suis associé par une ANR à laquelle j'ai participé. C'est un énorme mouvement qui, d'ailleurs, part de la sociologie des sciences anglaises des années 50-60 et à laquelle Latour n'est pas étranger. C'est une partie du travail de Latour est liée à ce mouvement. Faire une philosophie des sciences qui reconduit l'activité scientifique aux pratiques. Bon. Donc moi, justement, vis-à-vis, l'impression que j'ai toujours eue, c'est que les philosophes des sciences ou sociologues des sciences ou historiens des sciences qui veulent reconduire les aventures scientifiques à des pratiques, généralement, ils ne s'intéressent pas à ces pratiques. Je vous prends un exemple. Une partie du discours de la philosophie des sciences orientée pratique consiste à dire que dans les grands événements scientifiques, la fabrication des instruments, les instruments jouent un rôle égal aux théories, qu'il faut envisager ce qui se passe dans les sciences tout autant en regardant les instruments qui sont produits et à la limite le type qui balaye le laboratoire, mais d'abord les gens qui fabriquent les instruments, à égalité avec celui qui trouve la formulation tensorielle de la relativité générale. Du coup, je me suis dit, bon, d'accord, regardons un concept philosophique, au contraire, démarquant, qui est celui de Hannah Arendt, ou ce qu'elle appelle fabrication. Hein, qu'est-ce que c'est? C'est fabriquer un objet qui va demeurer dans le monde commun, qui n'est pas repris dans les cycles de la consommation et de l'activité, comme ce qui se passe au niveau de la catégorie du labeur, mais qui va rester dans le mobilier du monde commun. Et pour elle, le comble de l'objet fabriqué, c'est l'œuvre d'art, justement, selon Arendt, pour cette raison-là, parce que c'est celui qui demeure éventuellement des siècles. Si on regarde les textes des philosophes des sciences qui insistent sur le rôle des instruments dans le laboratoire, le rôle de l'instrument, il est toujours relié aux idées du type qui a fabriqué l'instrument, aux rectifications de l'instrument au fil des expériences qu'on fait, à la manière dont ça va donner lieu à une théorie de l'instrument, cette théorie de l'instrument va être versée dans la théorie. Donc en réalité, ce qui les intéresse, c'est tout un réseau de relations où l'instrument ne compte jamais comme résultat au sens de Arendt. Donc c'est une illustration de ce que j'ai dans la tête et de ce qui me motive, qui est que un certain nombre de discours qui prétendent réintroduire le pratique, généralement plutôt que le théorique, hein, c'est un peu ça l'âme du combat, ils ne s'intéressent pas aux actions en fait. Le but, c'est de les faire valoir dans quelque chose qui est d'abord un réseau et finalement une soupe, à mon avis. À cause du rapport, vous connaissez Edith Paz. On commence par faire une ligne brisée avec des tas de points, et ensuite le logiciel de dessin vous fait une courbe. Un peu ça. On commence à avoir un réseau. Pardon. Merci pour cette réponse, merci pour le temps en plus, et merci beaucoup pour cet exposé. Ce sera après les vacances de février et ce sera Arnaud Esquéré qui viendra parler des maux et des astres sur les pratiques de l'astrologie contemporaine, je crois. L'astrologie. C'est quelque chose. 26 février. 26 février, c'est